Ah ouais, d'accord, complètement. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, en fait, ils étaient bien sous l'effet du cannabis. Défoncés. Voilà, tout à fait. Bah, ils ont eu un comportement agressif envers la population. Ah ouais. Ouais. Et, dont deux membres se sont fait attaquer dans leur bungalow par des moutons. Bah, c'est bien. C'est le syndrome du mouton fou. Ouais. Ouais, voilà, tout à fait. Bah voilà, tout est dit. Au pire, s'ils ont fini en kebab, le kebab était un peu épicé, quoi. Ouais, voilà, épicé, c'est épicé, ouais. Le mec, il avait plus qu'à les abattre. Non, je me dis, non, bah non, parce qu'après, ça part, je pense. Ouais, ouais. Le cannabis, c'est part après. Ouais. Mais au final, il n'y a pas eu de blessés, donc ça va, ça rassure. À part les moutons. À part les moutons. C'est con, hein. C'est con, le mouton. Allez, la suite. Bah. C'est quoi ça? Il fait une vache, il fait une vache, il y a un chien. Refais-nous la vache qui chie. Bon, alors la suite. Et là, pour finir, le meilleur pour la fin, est-ce que vous avez fait déjà des concours dans votre vie, danse, chant? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. J'ai fini premier. Voilà, c'est la fin de. Ouais, quoi, concours de quoi? Concours de branlette. Sur une tartine. Je m'en doutais. Bah, c'est un concours pas loin de ça, justement. Sur une biscotte. C'est juste un concours. Ouais, c'était quoi là? C'est le concours à avoir le plus gros pénis du monde. Ah, bon, déjà, je joue hors classement. Moi, toi aussi. Hein. Ouais, carrément. Je vais te dire. Ouais, tu l'as rien. Jamais vu, connasse. Ah, bah ouais. Bah, vous ne pouvez pas le voir. Hein. J'ai ma vie quand même. Les gars, c'est à côté de moi. Hein. Ouais, attends, tu dis ça à qui? Bah, toi. Tu dis ça à moi. Ouais. Ah, ouais. Bon, c'était la rubrique 2. Alison, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Évidemment, on est en direct évidemment, jusqu'à 23h. Bonne soirée à tout le monde. C'était très bonne soirée. Vas-y, bah, raconte là, dis-moi. Il arrive tout ça, il fait la gueule. Complètement jeté. Et en fait, si tu veux, il y a un mec qui a gagné le concours, avoir le plus gros pénis. Elle me regarde avec des yeux. Bon, je crois qu'on va faire le jeu dans attends, l'histoire. Attends, et donc, le mec, en fait, tellement qu'il était dégoûté, il a pris une hache et puis il a scalpé. Tellement par le dégoût, quoi. Bah, attends, parce qu'il avait un trop gros pénis. Non, ouais, voilà. Alors, déjà, c'était pas un concours, c'était un truc qu'on a parlé cette semaine. C'est qui qui en a parlé dans les infos solides? Ouais, on en a parlé. C'est qui l'a parlé? C'est Toto Magné, je crois qu'il en a parlé. Toto Magné, il a 10 soirs, il a déjà dit à l'antenne. Oh là là. Et c'était, ouais, c'était entre potes, c'était pas un concours officiel. C'était un gars, ouais, ils étaient deux et c'était quand même pour rien le concours. Non, si c'était à deux, ils étaient pourrés, ils étaient deux. Ben, on va faire un concours à deux, c'est bon. Et le mec qui avait l'hache dans son jardin, bah le mec il était complètement dégoûté, il a pris la hache du mec et là. Ouais, ouais, mais carrément, mais il a carrément. Ouais, voilà, c'est vraiment dégueulasse. Ah, pour le coup, ouais, c'est dégueulasse. Ouais, y a plus de couilles. Bon, bah en tout cas, reste avec nous, parlons couilles. Il a fini avec un god de bio, quoi. Il l'a empaillé. Ok, merci. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans voiture. Voilà. C'est vraiment. Oh, la transition. Chez moi, j'avais envie de dire ça. C'était pour faire une transition. Journée mondiale sans voiture, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? S'en fout, je suis à pied. Ok. On reste avec toi en tout cas en direct. Je m'en branle, j'ai fait 120 km. C'est n'importe quoi cette émission. On dirait jusqu'à 23h, on est là, oubliez pas, il y a le défi qui arrive, il y a le coup de gueule de Jojo. Il y aura un canular ce soir, on va appeler Pôle emploi. Enfin, c'était appelé cet après-midi. Vous allez pouvoir l'écouter dans quelques instants. Restez avec nous en tout cas jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4, d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Larteau. Thierry Piquetou, votre banquier. Il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Larteau? Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu-Piu, Monsieur Larteau. Sauf que moi, c'est Sam. Larteau, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi. Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mixplore. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle? SOS fantômes. Nouvelles armes. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes. SOS fantômes en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now. I'm looking at like what I'm seeing. Got me feeling kinda shocked right now. Could've stopped right now. Even if I wanna gotta get it where it's at right now. Oh my God, what is this? Want you all in my business. Baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens there. No, I can't be responsible if I get you in trouble now. To be rude, but I look so damn good on ya. Énorme ce son. Le son de Sarah Lanson à l'instant en direct évidemment jusqu'à 23h. On est là, on bouge pas. Hey, j'adore ce son, il est trop bon là. C'est de qui le son? Hein? C'est de qui? Ta gueule. En direct. Qu'est-ce qui se fout de ma gueule? C'est vrai que j'ai un accent de clé de merde, c'est vrai, je le dis. Jusqu'à 23h, on est là, évidemment, à toute l'équipe. D'ailleurs, on va attaquer maintenant le fameux, à 21h20, le fameux coup de gueule de Jojo. Attends, ouais. En plus, quand je regarde sa gueule, il fait. Justement, même au moment où je le regagne, il fait la gueule. Donc c'est bien, ça tombe bien. C'est ça, ton sur ton. C'est bien. Je suis concentré. C'est bien. Bon, fou, elle était concentré pour dire deux phrases, lui. Le coup de gueule de Jojo, 21h20, en direct, évidemment. J'en ai 5 de coup de gueule. Ah, voilà, ce soir, il a bien bossé. Hein. Un contre Ben. Déjà. Okay. Allez. Il a pas ramené les hamburgers. Okay. Alors, il faut expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui s'est passé avec les hamburgers. Hier, il a écouté l'émission. Ouais. D'accord, il m'a envoyé plein de messages. Déjà, cette semaine, je sais quand lundi que t'es venu. Lundi. Il faire l'émission. Il y a du champagne. Il faut savoir qu'avant l'émission, on mange tous ensemble, etc. Voilà. Et chacun ramène des fois ce qu'il va manger, etc. Quand on n'a pas la chance d'aller au resto, parce que bon, c'est vrai que la radio paye beaucoup le resto. C'est parce que t'es pas confié, c'est tout. Mais non, je rigole. Non, mais et de la dernière fois, t'avais ramené un hamburger tout fait de. Voilà. Voilà. Et du coup, ça avait, on avait rigolé de ça parce que c'est vrai que c'est des hamburgers où tu payes une blinde et t'as rien dessus. Et du coup, par rapport à ça. Hier, il a écouté l'émission tout au long de l'émission. Ouais. Et comme par hasard, il a pas entendu ce que j'ai dit. Alors que j'étais clair, j'ai dit Ben ramène des hamburgers. Voilà. Voilà. Il a pas voulu mais entendre. Mais il a écouté le truc du pervers, il a écouté le début, mais il a pas entendu ça. Ouais. Voilà. Ce connard. Il a entendu ce qu'il voulait entendre. Oh, donc, défends-toi, dis quelque chose. Donc, René, je vous le demande. Non, c'est André. André. Non, René, c'est mon tonton. René, c'est mon tonton. André. André, c'est la maman de. André. Elle écoute là. Oui, elle écoute. Je sais pas, je pense. Bah, si elle écoute, déjà, on lui dit bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Déjà, il a cassé votre meuble. Et si jamais vous pouvez nous préparer des hamburgers pour lundi, ça serait bien. Ouais. Quel salaud, voilà. Et il paye là aussi. Et des bières. Surtout. Non, allez, sérieux. Oh, je plaisante. L'affaire Morandini. Ah, c'est ta fameuse affaire de Morandini. Fameuse affaire qu'il a demandé, soi-disant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement cette affaire? J'ai pas suivi du tout. Pas encore, parce que c'est encore en cours. Hein. Donc, pour le moment, il est encore auditionné. Il est impliqué dans des trucs de pédophilie. Oh. Donc, il a demandé à des acteurs. C'est celui qui fait crime, quoi. Ouais, c'est celui qui fait crime. Tu vois, t'arrives bien à le regarder. Et il fait pas que crime. Et il a demandé, soi-disant. Il s'applique dans ses propres affaires. Il a demandé, soi-disant, à des jeunes pour tourner dans une série de se masturber. Série, donc voilà, donc il est entendu, il est encore entendu, hein, donc on peut pas trop dire. C'est bizarre quand même, comme ça, il puisse faire ça quand même. Il a demandé, soi-disant, alors qu'il a été convoqué. Faut bien rappeler les choses, il a été convoqué depuis hier, donc il est encore en garde à vue. Pour pouvoir s'expliquer. Ouais. Donc une sale affaire. Donc il se défend. Apparemment il dit que c'est pas vrai, ceci, cela. Donc affaire à suivre et je le suis de très très près. Oh, d'accord. Ça se voit. Ok, bon, on suivra évidemment ça. Et c'est ton coup de gueule, ça. Pourquoi c'est ton coup de gueule par rapport à ça? Parce qu'il m'énerve. Ah, tu l'aimes pas? Non, je l'aime pas. Ah, ouais. Pas beaucoup aimé, lui. Mais on entend beaucoup parler de lui en ce moment, donc voilà. Ouais, ouais. Donc affaire à suivre. Ouais, ensuite. Un coup de cœur. Ah, un coup de cœur, ouais. Le coup de cœur. Tu vois pas, ils disent ça, sinon je vois quoi. Non, pas pour elle. Non, c'est bon, on a marre. Coup de cœur, c'est pour la météo. Ah, pourquoi? De toutes les météos, en fait, de toutes les chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dans le nord, il fait beau. Oh. Ouais, et puis, bah, c'est mon coup de cœur. Ah, qu'est-ce qu'il a à dire, lui, derrière? Quand t'es sous ta gueule. Ah non, non. Ok, bah, il est content parce qu'il dans le nord, il fait beau. Voilà, parce que dans le nord, il fait beau et on est content. Big up à Evelyne Delire. Voilà. Elle est pas morte? Non, tu vois, c'est dégueulasse. Je sais pas, moi, je la vois jamais. C'est dégueulasse. Et ton dernier coup de gueule là encore? Non, il n'y en a plus. Ah bah, ça fait pas 5. Hein. Ah oui! Ah oui! Alors attention. On a nos comptes perso Facebook de la radio. Facebook. Mais il y a un moment donné où on dort la nuit, quoi. Ah, donc, pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on reçoit des messages donc à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Donc toutes les heures, en fait, on est réveillé par des. Enfin, moi, c'est un bip très spécial. C'est quoi comme bip? Ah. Non, c'est ça. Attends, vas-y, je peux t'envoyer un message. Non. Allez, non. Assis. Non, allez. Non, c'est un sifflement. Ouais, c'est ça. Ça fait ça. Ouais, ouais, okay. Ouais, voilà. Ouais. Bah, et pourquoi tu les mets pas en silencieux, t'es con, quoi. Bah parce que j'ai des appels, je peux être appelé à n'importe quel moment en pleine nuit pour des choses. T'es pompier. Ouais, personnel. T'es pompier. Donc du coup, c'est chiant en fait, ça sonne tous les heures, quoi. Moi la nuit je dors. Ouais. M'envoie la journée, ok, et mais pourquoi pas tu la dis nuit. Ça là, d'un coup de bah parce que ah oui parce que alors j'ai un coup de gueule. Monsieur Nicolas, il m'a envoyé un message à 5h33 du matin. Je me levais à 6h quand même. Donc j'ai perdu une demi-heure de sommeil. Donc je suis très en colère aujourd'hui. Je suis énervé. Ah, t'es énervé auprès d'un auditeur énorme, qui, hein. Non, mais... qui est avec nous ce soir. Mais pas que. Qui s'appelle Nicolas. Ouais, parce que Nicolas il est là. Ah, parce que tu t'as envoyé un message à 5h30 du matin, c'est ça? Mais tu dors pas toi? Tu dors pas la nuit? Est-ce qu'on peut lui mettre un micro, ce malheureux? Attends, hein? Est-ce que le micro... Ouais, voilà. En fait, j'arrive pas trop à dormir la nuit, donc je dors même pas 2 heures, parce qu'avec tout ce qui se passe dans mon quartier depuis Belle Lurette, avec un... Belle Lurette, avec, mot depuis 1779. Avec deux groupements de 5 à 10 personnes, vous devez savoir qui je parle. Et on parle bien évidemment de la crèche de Molbach. Ça saccage bah, les routes, les voitures, tout ça. C'est des roumains, plein de problèmes. Bah, déménage. Non, je vais pas déménager, ça leur donnerait raison, donc... Bah non. En fait, il parle de la foire, les gitans commencent à arriver sur la vie. Donc du coup, toi, tu dors pas la nuit, donc... Je vais faire chier tout le monde. Attends, baisse les heures de dormir. Bah ouais, gars, cet animateur, là, du coup, j'ai des cernes. Oh, attends. Allez, il me regarde, à l'air de dire, il fume la gueule. Non, mais voilà, on dort la nuit, nous. Oh, bah, je pense, ouais. Voilà. Enfin, voilà. Sauf quand on sort. Sauf Quentin, il dort l'après-midi. Ouais, c'est et Ben, enfin, qui se lève plus tard. Lui et Ben, vous pouvez pas jusqu'à 8h du matin. Ouais. Là, tu sais pas faire. Ouais. Non, parce que je l'ai envoyé quand un message ce matin, quelle heure? Je t'ai envoyé un message à 9h30 du matin. Non, mais là, je t'ai réveillé. Non, mais ouais, 10h30 du matin, j'ai envoyé, tu peux publier le. Non, même pas, 11h30. Ouais. Je t'ai envoyé, il l'a vu qu'à 17h. Ok, j'ai dit, super. Ah, ouais, mais c'est Ben. Bah, ouais. Donc voilà, en tout cas, Ben, tu t'es couché à quelle heure ce matin? 4h, je me suis réveillé à 9h et je me suis rendormi à 14h. Oh là là. C'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Bon, restez avec nous, en tout cas, on est là jusqu'à 23h. On se fera évidemment des canulars dans quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Al, il arrive derrière lui, il fait des trucs bizarres. Il arrive derrière Jojo, il fait des trucs bizarres. On aura la minute gaming avec Ben, on aura vie de merde aussi, on aura gelé 5 mots dans quelques instants, à fond à tox également. Ouais. On aura top ou flop. La question du soir, je vous laisse réfléchir tout de suite. Quelle est votre plus grosse boulette en repas de famille? Putain. Eh ben on en parle évidemment dans quelques instants. Reste avec nous en tout cas. On est... Pourquoi tu dis putain? Parce que j'ai une grosse boulette. Ah bah, je... Venant toi, ça m'étonnera même pas toi. On est en direct évidemment jusqu'à 23h. Le son de Parakeet pour la suite. Bonne soirée et bienvenue. About to land, after years of joy, life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my head. Parakeet à l'instant, on dirait jusqu'à 23h, on est là. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Librantel sur Radio Mix Floor. Allez, bonne soirée, en tout cas, on est là jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous, en tout cas, on est là. Il y a Ben qui est avec nous ce soir. Ouais, c'est moi. Il s'est flingué la main pour nous ce soir. Il y a Jojo qui est avec nous également. Oui. Il y a Jo, il y a Alison et il y a notre Quentin National qui est avec nous également. Quentin qui reviendra dès lundi avec les pervers évidemment, qui s'annonce déjà énorme avec Eric. Hein, c'est ça, on va appeler Eric. C'est Eric. Ouais. Quentin, il se fait plein de nouveaux copains. Ah, là, il adore ça. Ah, il adore ça. J'adore. C'est pas Quentin, c'est Charlotte. Hein. Ouais, il devient très intime. Ah, c'est Fanny. Moi, j'ai changé de prénom. Je suis allé à la mairie ce matin. Ouais. Ah, c'est Fanny maintenant. T'as quoi, Fanny? J'ai un petit problème de voix aussi. Tu m'étonnes. Bon, maintenant on va vous cacher que. Est-ce que qui connaît évidemment, vous connaissez tout forcément Star Wars. Ouais, ah bah, ouais, oui. Fan absolu. Ah, c'est vrai. Vous aimez bien Dark Vador. Là t'as pas un heureux. C'est vrai. Ouais. Et bah, regardez, si je dis qu'on prend Dark Vador, on prend des morceaux du film et on appelle Pôle emploi avec, qu'est-ce que ça donne à votre avis? Ça donne un moment de. de tristesse. Le truc, parce que déjà là t'as touché à Star Wars. Non, mais le truc dans l'histoire, c'est que moi j'ai halluciné. Le truc dans l'histoire, c'est que j'ai halluciné parce que Pôle emploi il a été très réactif et il a rigolé. Et c'est là que vous allez voir que on est mal barré pour trouver un boulot grâce à Pôle emploi, parce que le canuel dure quand même un petit moment. Enfin, ouais, mais les mecs sont tellement au bout du rôle là, tu leur as vendu du rêve quoi. Le mec, tu lui as filé une pause quoi, limite. Vous allez voir, Dark Vador, Pôle emploi, c'est maintenant en direct jusqu'à 23h. Bonne soirée tout le monde. Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 39. Pôle emploi, bonjour, Reda à votre écoute. Dispensez-vous de formules de politesse, commandant. Je viens vous obliger à tenir vos délais. Comment ? L'étoile de la mort sera terminée à temps. Techniquement, non. N'échouez pas cette fois. Ah non, c'est à vous de pas échouer. Cette faute envers moi était la dernière. Vraiment ? Non. Excuse acceptée. C'est bien. L'empereur ne partage pas votre appréciation optimiste de la situation. Pourquoi ? Il n'est pas très satisfait de l'absence de progrès dans vos travaux. Ah putain, ça fait du bien en fin de journée, ça. Ah, là, là. Tes pensées te trahissent. C'est vrai ? Je pense à quoi ? Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. Si. À force, si. Non. Si. Non. Si. Si. Tu te défends bien, jeune homme. Vraiment ? Bah, merci, hein. Peut-être trouvez-vous que l'on vous traite injustement ? Oh non, au contraire. Bien. Je ferai selon vos désirs. Ah bon, continue alors. Oui, mon maître. Est-ce que je peux me retrouver sur YouTube ? Ça, c'est la bonne question. C'est exact. Tel est ton destin. Ah, mais je connais les Soundtables comme ça. C'est bien. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Il est arrivé quoi ? Je suis ton père. Non. Non. Mon fils, oui. Viens avec moi. Où ça ? Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. Oula, non, jamais. Tu peux détruire l'empereur. Ah bon ? L'empereur t'attend depuis longtemps. Ouais, bah moi aussi, hein. Je l'attends depuis longtemps. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le faucon Millenium. Bah on parle de combien là, en récompense substantielle ? Vous livrerez le capitaine Solo à Jabba le Forestier dès que j'aurai Skywalker. Ah non, moi je livre personne. Ne m'oblige pas à te tuer. Alors, juste un instant. Et bonjour. Laissez-nous. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Si, ça signifie. Au contraire, c'était mon héros. Il est trop tard pour moi. Ah non. Il viendra me chercher. Qui ça ? Obi-Wan. Ah bah oui, ça tu peux y compter. Il est aussi maladroit que stupide. C'est ça, j'aurais pas mieux dit. Tu as accepté la vérité. Oui. Tu es vaincu. Sûrement. Bien, laissez-nous. Ça y est ? Laissez-nous. Vraiment ? Sûr. Oui, mon maître. Ouais, mais moi j'ai pas le droit de raccrocher techniquement. Donc, vous voulez qu'on arrête là, moi ça me va, mais ce sera à vous de raccrocher. Tu ne peux pas t'échapper. En effet. Bah c'était sympa en tout cas. Si tel est ton destin. Voilà, eh bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Et voilà, en tout cas, pas mal canular, pas mal finalement. Regarde, pour l'envoi, ça montre qu'on est mal barré évidemment. Il est bien. Je regarderai plus jamais Star Wars comme ça. Moi j'appellerai plus Pôle emploi comme ça, moi maintenant. Donc voilà, non, mais attends, bien. Vous savez voilà que... ce qu'ils font au lieu de chercher un emploi pour les gens. Bah ouais, voilà, enfin, c'est beau. Hein. Ouais, je l'avais dit, tu lui as vendu du rêve en fin d'après-midi, quoi. Ah, voilà. Bon, reste avec nous en tout cas en direct évidemment jusqu'à 23h. Quelle est votre plus grosse boulette en repas de famille? Il y a eu beaucoup de réactions là sur le Facebook là tout à l'heure. Bah tiens, on va commencer par Jojo. Tiens. Ah ouais, non, mais moi, vous me gardez pour la fin. Ok, bah, on va commencer par Ben. Ben, quelle est ta plus grosse boulette en repas de famille? On a tous déjà fait des boulettes. Obligatoirement. Déjà, en repas de famille, il y a toujours un mec qui finit bourré. Un tonton bourré, c'est comme dans les mariages. Il y a toujours un tonton bourré qui finit. À qui on l'envoie dormir dans la voiture à 11h au soir. Ça c'est obligatoire. Mais donc voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé Ben en repas de famille? Quelle est ta plus grosse boulette? On t'écoute. Ma plus grosse boulette, c'est que en fait mon filleul m'avait demandé un verre de coca et en fait je lui ai donné mon verre de whisky au coca. Oh. Il a quel âge? Il avait 6-7 ans. Oh, putain. Ouais, ça s'est passé comment? Ah, ça démarre tôt dans la famille. Bah, il a fini couché. Ouais. Et genre, tu t'es fait engueuler? Hein? Tu t'es fait engueuler? Non, j'ai pas dit que c'était moi. Ah. Bien évidemment. Il a... Et ben, si ta mère elle écoute, elle va savoir que c'est voilà, toi. Maintenant, voilà la boulette. Voilà, si elle t'écoute, on rappelle que lundi, il faut des hamburgers. Voilà, tout est dit. Jo. Alors. Ok, là, tu rigoles avant même de commencer. Alors, ouais, je sais plus quel âge que j'avais, mais faut savoir que dans la vie, j'ai un humour assez noir, assez bien. Vas-y, ouais. Bien prononcé. Ouais, t'es pas raciste. Hein. Non, mais les blagues bien méchantes qui tapent bien, c'est mon délire. C'est mon délire. Quand ça claque, c'est méchant. Ouais, ouais, voilà. Ah, donc j'avais raconté une. On était tous en famille. J'ai rien dit, moi. Salut. Et donc, on était tous en famille, les cousins, les grands-pères, les grands-parents, tout ça. Et ouais, en famille, quoi. Une belle tablée. Et puis, bah, moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire le malin avec mes blagues bien méchantes, bien chiantes. Et puis, j'en ai raconté une vilaine sur le cancer et tout. Sans savoir que mon grand-père, dans la soirée, ils allaient nous annoncer qu'il n'avait attrapé un, quoi. Ah ouais, ouais, ah, ouais, boulette, ça. Après, ça, c'est une boulette, mais tu peux pas censé le savoir. Ah bah ouais, mais bon, c'était pas mal. Ah ouais, t'es pas censé le savoir, effectivement. Bon, après, je rassure tout le monde, il est encore vivant, il va bien. Ah bon, ça va, alors, c'est principal. Alison. Elle est rentrée à Cénibar. Non, pas de ma peau. Elle a eu ses fous. Et allez, on est reparti. On est reparti. T'as que ça en bouche ou ça? Ah, le Jégol, ça va. Ouais, ouais. Sur Taknaki, on va voir un peu. Bah, ouais, c'est pour ça, c'est pour venger de ce que tu as dit tout à l'heure. Oh, pauvre chou. Allez. Non, c'est sans faire exprès, j'ai dit à tout le monde que ma cousine était lesbienne. Et normalement, il n'est pas censé le savoir. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est à elle de leur annoncer. Et puis, tu l'as sorti du placard avant. Du coup, t'as dû le faire tuer par ta cousine. Ben, elle m'a fait les yeux noirs et puis après, ben, tout le monde a accepté la situation. Puis de toute façon, voilà quoi. Puis ça finit en beuverie. Non, même pas. Jojo. Oui. Non, oui, c'est moi. Je suis en train de dire à Quentin de fermer la porte. À moi, la grosse boulette que j'ai fait. Ouais. Non, je peux pas le dire. Ah bah si. Non, je suis. Je te fais pas. C'était à Noël. C'était à Noël et j'étais pas invité dans la famille. Mais j'étais invité à faire le Père Noël, sauf que le Père Noël était déjà passé. Ah merde. Donc en fait, il est passé deux fois le Père Noël. T'as fait une after. Et puis j'ai fait l'after du Père Noël. J'ai fait l'after du Père Noël. Donc les gosses, ils comprenaient plus rien, quoi. T'as la gueule du Père Noël. Et j'étais bourré. Et j'ai dit à mon père que j'étais pédé. Donc voilà. Ah, t'as tout annoncé dans ta. Ah, voilà. Et je me suis barré en courant. Voilà, tu t'es débarrassé, voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. On reviendra nouvel an, on verra bien. Voilà, je suis rentré manger du poulet. Et bon, allez. Ok, d'accord, complètement. Et toi, c'est quoi ta grosse boulette? Moi, moi c'est avec c'était en famille en fait, il y avait des amis aussi, ils étaient là et en fait on parlait, attends, qu'est-ce qu'on disait, bon, en fait c'était à son fils et je disais sinon Hugo il va toujours bien tout ça, il m'a dit écoute c'est pas vraiment la famille, c'est plutôt des amis. C'était pas vraiment un repas de famille, c'est plutôt avec des amis. J'ai dit Hugo, il va toujours bien. Là, il est pas là. Je suis il a trouvé un nouveau boulot. Non, il est en prison. c'était un peu la bourde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fais des grisines? Ouais, ça grésille pendant le casque. Moi, ça me le fait pas, moi, donc ça me va. Moi aussi, ça me fait. Moi, tant que ça me va, moi, ça me fait rien, ça me va. Bah, on va régler ça en tête. C'est con. Quentin? Moi je m'en souviendrai toujours, c'est j'ai vomi dans mon assiette. Ah, du coup. T'as quoi? J'ai vomi dans mon assiette. C'était pas bon? C'est à dire que vous aimez le melon, j'imagine? Ouais. Ouais. Moi je suis tombé sur un melon qui était un peu. Périmé? Voilà. Bien mûr. Et donc ça m'est remonté direct et j'ai hésité à tout lâcher sur la table. Ah, et malheureusement, c'est parti. Il faut savoir que Quentin, c'est des compétitions de vomir partout. On va expliquer. C'est bon, On va expliquer une soirée qu'on a pu faire ensemble, qui s'appelle au club. Hein, on a pu. Ah, au club. Oui. Alors, il faut expliquer qu'on était avec des amis. Al, il peut en témoigner. Il en était la preuve vivante. Quentin, on était avec des amis et que notre ami nous a dit bon, on va prendre une bouteille ce soir. Et on s'est dit, il a vu qu'il y a un seau, il met les bouteilles dedans. Pourquoi on met pas tout la bouteille, l'alcool dedans dans le seau, et chacun prend des pailles et on fait un truc, chacun prend des pailles. Et donc là, la soirée se passe bien. Faut savoir qu'une bouteille en discothèque coûte pas loin de 90-100 euros quand même, c'est pas donné. Je m'en rappelle, la soirée bat son plat, tout se passe bien. Ouais, effectivement, tu peux t'en rappeler toi. Mais la soirée bat son plat, tout se passe bien. Et là, Quentin était pas très bien, il avait un petit peu beaucoup bu. Était vachement blanc et on s'est dit, si t'as envie de vomir, va dans les toilettes, etc. Et il est allé plusieurs fois dans les toilettes, il est revenu. Et là, alors moi je suis monté en haut. Alors Al, là, il va me raconter parce que je crois qu'il était à côté de lui. Et là, il va raconter parce que Al était avec tout ce soir. Bah, c'est à dire que ouais, j'étais en mode posé en fait, tranquille, voilà, sur les banquettes. Et là, je vois Quentin, mais blanc comme un cadavre et pas bien. Et je le regarde, je fais ça va gros et tout. Il fait oh, ouais. Et là, d'un coup, Quentin se lève et commence à se vomir dessus. Alors là, je me lève, je fais non, gros, vas-y, viens, suis-moi aux toilettes et tout. Et le mec, il a eu la bonne idée de prendre le seau qu'on venait de payer 90 balles et de vomir dedans, en fait. Donc il a vomi dedans. La bouteille. J'ai regardé la patronne, genre, elle me regardait, tu vois, affolée. Je fais, oh, excusez-moi, excusez-moi. Je vais le sortir. Et l'autre, il était en train de. Ça va. Je gère. Non, je gère. Et le pire, c'est que notre pote, il rôdit de fumer et il voulait boire dans le bordel. Il avait pas vu le vomi. Oh, Et vous avez rien dit ? Mais si, le pote. Mais fallait rien dire. Il dit non. Mais si, il fallait rien dire. Et il me regarde, il fait mais pourquoi ? Je dis bah Quentin vient de vomir dedans et là il a lâché le seau et il l'a foutu encore partout quoi. C'était la merde. Moi j'aurais rien dit. C'est dégueulasse. Voilà, c'était dégueulasse. La couille à baisse quoi. Quentin, c'est notre vomito national. C'est juste que vous m'aviez dit de me lever pour aller aux toilettes, puis je pouvais pas me lever, c'était déjà arrivé dans la bouche. Ouais, bah tu vomis dans le seau, merde. Bah écoute, je vomis aussi par terre et puis tout le monde nettoie à pas d'heure. Donc du coup, il a flingué la bouteille quoi. En gros, il a flingué la bouteille. Non, mais après, je me suis arrangé avec. Non, tu t'es rien arrangé du tout. Non, oui, si. T'inquiète pas. Bon, bref, c'est notre vomito national, Quentin. Ouais. Bon, reste avec nous en tout cas. Bah, tiens, Quentin. Ouais, Quentin, j'ai expliqué. Bah, tiens, Al, est-ce que t'as déjà fait une boulette en repas de famille ? Est-ce que j'ai déjà fait une boulette en repas de famille ? Ouais. Bon, si tu pourrais répondre maintenant, ça m'arrange. Ouais, non, mais ça m'est déjà arrivé, ouais, mais quoi exactement, j'en sais rien. Ok, bon bah merci. Merci, ouais, voilà. C'était. Allez, vite. Sûrement, mais bon. Bon, on est en direct. Mais là maintenant, tu me piques à vif, non Ah, je te pique à vif. J'en ai pas le souvenir. Ok, bon bah voilà, tout est dit. Le top ou flop qui arrive dans quelques instants, on se fera les vies de merde avec Chou également. On aura faux à Tox avec Quentin. On se fera le défi ce soir. Évidemment, ouais. le bon défi. Et ça sera pour tout le monde ce soir. Le bon défi pour tout le monde. Parce que la semaine dernière, c'était le petit défi pour les deux petits nouveaux. D'ailleurs, vous êtes revenus de ce défi des grillons Ouais, une petite chasse le lendemain. Mais ouais, carrément. Enfin, okay. Moi toute la nuit, mais bon. Ouais, c'est bizarre. Ah, vous avez une chasse Ouais. Moi non. Malade bien toute la nuit. C'est dégueulasse. Je suis là. Les grillons, ouais. Ouais, bah. Bah, c'est rien, ça s'en fout. C'est mais bon. Non, ils sont encore bons. Ils sont encore bons. Ils sont encore bons jusqu'en octobre. Hein. C'est pour ça que je profitais. Ouais. Enfin, fierté à deux coups. J'ai pas eu la chiasse, j'en ai mangé. Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Ah là là, mais si. Sont... des ailes quoi, c'est entre les dents. Donc ça veut dire que ça faisait 2 ans que les grillons ils étaient dans le studio. Hein ? Vous êtes vraiment. mais ça donne un petit peu de fraîcheur au bord. Je dirais rien, mais vous êtes vraiment. Ça donne un peu de fraîcheur au truc. Des là, cons. C'est bien. Oh, là, là. Bon, restez avec nous en tout cas en direct évidemment dans quelques instants. On se fera. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Tiens, on se fera Alonso Binta. La nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil ouais, de midi. Jojo, qu'est-ce que ça te fait penser, soleil de minuit ? Je vois rien du tout. t'as des choses à nous dire. Moi, ça fait penser à un cul. Ah là là, bon, on direct évidemment là, jusqu'à 23h, bonne soirée, on est là, on bouge pas en tout cas. Merci d'être avec nous là. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez ? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça.

Merci à tous. Donc après pour la composition de l'archer, pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi la partie en bois qui est du pernambouc. Du quoi? Du pernambouc. Qu'est-ce que c'est que ça? Du pernambouc. Enfin comme du bambou mais en pernambouc. C'est du bois mais c'est du bois comme du bambou. Mais c'est du pernambouc. Connais que le bois bandé. C'est parfois fait. J'aimerais trop en prendre du bois bandé. Bah, je vais t'en donner. Pervers. Non, c'est pas pervers de donner du bois bandé. Ça se trouve, c'est sur lui qu'on prend. Oublie pas que les pervers, c'est tes potes à toi. Écoute, j'ai la voix pour. C'est les potes de Fanny, ouais. Voilà la suite. La révolution russe a eu lieu en 1917. On s'en fout. Info ou intox? Intox. Qu'est-ce qu'il y a dit, on s'en fout là? C'est Jojo. Non, j'ai rien dit. C'est mon lapin. J'ai rien dit. Tu veux sortir ou pas? J'ai rien dit. Tu sors. Comment t'as l'air qui prend quand il est vénère? Ah oui, non. J'ai l'air réglé. Hashtag vénère, quoi. On a dit qu'on ne critiquait aucune chronique. J'ai pas critiqué déjà. On s'en fout. On s'en fout. Non, mais j'ai pas dit. Il parlait du titre de Ritsa que je voulais mettre en playlist. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est quoi là? J'ai pas entendu. La révolution russe se passe en 1917. Intox. Info ou intox? Intox. Info. Intox. Info. Moi, je dirais info. Attends, également. On va faire dans l'ordre, on va recommencer par Alex. Hein? On va recommencer par toi pour Allo, réveille-toi. Info. Info, ouais. Intox. Intox. Un petit doigt. Intox. Intox. Allison. J'ai l'impression de faire question pour un champion. Il est où le buzzer? Et Jojo? J'ai déjà répondu. Et tu as dit? T'avais qu'à écouter. Avec moi, je te lis. T'avais qu'à écouter. Un fox. Un fox. Un fox. Info. Eh bien, vous, ceux qui ont dit info, ont raison. Ah oui. Voilà. Double réponse, bravo, bravo. Alors, elle se déroule bien en 1917 et le révolutionnaire le plus connu en Russie à cette époque, c'est Rasputin. Rasputin, Rasputin, Rasputin. Rasputin, Rasputin, Rasputin. J'ai envie de chanter. Rasputin, ouais. Le 10e du samedi soir. Donc, la révolution russe se déroule du fait que l'armée russe était essentiellement paysanne. Ah ouais. Et donc ça a coûté cher et ça a engendré la crise et puis l'inflation. Ah ben nous le savez ça. L'inflation. La suite, info intox. Donc, dernière info intox de cette soirée. Vous connaissez tous le détroit de Magellan? Non. Non. Et c'est qu'en faisant ces trucs, je me dis putain, je suis vraiment con en fait, parce que je connais rien. C'est où? Non, je connais pas moi. Bon, c'est où? Bah, c'est où? DTC. C'est C'est même pollu. Oh, je sais pas, enfin bref. Ouais, vas-y, dis. Fernand de Magellan est français. Info ou intox? Non, il n'est pas français. Non, il est froid, il n'est pas français. Intox. Ça m'aide beaucoup. Intox. Info. Intox. Info. Intox. Bon, info. Qui dit info? Info. Non, mais je dis tant qu'on ne parle. Non, on a compris. Il n'y a que nous qui jouons. Il n'y a que Ben qui dit info. Il n'y a que Ben qui dit info. Non, moi je dis info aussi. Ils sont au pif, lui. Bon, bah c'est intox. C'est intox, ouais, il n'est pas français. On aura mis tout faux. Malgré son prénom bien français, Fernand. Non, c'est Ben qui a raison. Non, c'est nous. C'est nous. On a raison. Bah, tous ceux qui ont dit intox ont bon. Bah ouais. Trop bonne réponse. Le gars, il a gagné le. Donc, il est pas français, il est portugais. De famille noble. Il est portugais. Donc il a réussi à atteindre. Pour ceux qui sont. Pour la culture générale de tous. Pour ceux qui sont. À la culture Q. Histoire générale. Enfin, pour Jojo, c'est la culture Q, ouais. Il a réussi à atteindre les Philippines en 1519 et entre 1519 et 1521, après avoir traversé le fameux détroit qui porte aujourd'hui son nom, le détroit de Magellan. Voilà. Ok. Merci en tout cas, Quentin. Je t'en pour info. C'est qui gagne alors? Info attaque. Bon, c'est bon, j'ai eu trois bonnes réponses. Tu rigoles quoi? Bah, moi aussi. C'est une blague ou quoi? T'as pas eu trois bonnes réponses, c'est une espèce de menteur. La première, tu t'es trompé. Non. Et à l'avant-dernière, il prend pas de risque. Il dit. Intox, info. Alors, tu nous as dit en antenne que tu nous as dit un truc en antenne qu'on doit peut-être faire maintenant parce que j'ai un peu de temps, on a un peu de temps là. Tu vas nous dire c'était quoi si on appelait 118-218. Alors, tu nous as dit que je ne savais absolument pas, on va tester ce soir. On va tester. Alors, tu nous as dit quoi par rapport à ça? Ils doivent nous chanter la chanson 118-218. Vous savez, 118-218. Bah ouais. Et c'était marqué dans leur contrat. Oui. Ah non, c'est payant leur. Bah oui, c'est payant. Ah. Je sais pas si ça va marcher. Bon, sûr, on va peut-être marcher au standard. Attends, on va essayer de tester. Ah, donc tu te fais chier, t'appelles pour perdre du pognon. Non, ils vont chanter. Vas-y, on va demander. Je veux dire que c'est l'anniversaire à. Ah, ça marche pas. C'était info 218. Non, mais je peux pas parce que ouais, c'est des numéros. Eh bah, faites-le chez vous. Vous prenez votre téléphone, vous appelez, ils vont chanter la chanson. Attends, 118, 218. Ah, je sais pas si ça va marcher. Là, non, il faut qu'on les appelle en antenne. Ouais, c'est chaud. Hein ? Là, je dis, ils vont indiquer 2 euros dans le cul après. Ah, non, on appellera la prochaine fois, on enregistrera. Ouais, ok, ouais, pas de problème. En tout cas, reste avec nous là jusqu'à 23h. On est là. On sera. Bah, tiens, le défi là dans quelques instants. Ah, bah oui, enfin, bah si. Non. On est là ensemble. Juste après la quête. Je suis chez moi. Bien vu. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Le son de Black M à l'instant sur Radio Mic Floor. J'ai tout gâché, maintenant tu m'as... Et on est ensemble évidemment jusque 23h avec l'équipe de Bras Cassés. Et puis Alex qui rentrera de monter là pour faire le jeu là qui va arriver. On a toute l'équipe qui est avec nous, il y a Ben le stagiaire, Ben tout court, il y a... Attends, j'ai pas allumé ton micro. Parce que c'est la merde, vas-y, c'est bon. T'es un con. Impeccable, ouais, t'es mieux, là. On va pas commencer à faire chier. Il y a Jojo aussi qui est avec nous. Oui. Comment vas-tu hein? Ça va. Toujours. Elle était bien ta chronique. Ah ouais, un peu de culture dans cette émission, c'était bien. Il y a tant ouais, de bah là, il y avait trop de culture pour moi. Ah bah attends, sans doute. Trois mauvaises réponses, merci. Bon, ça se passe comment là y a... Ouais, attends. C'est lequel le micro déjà? Attends, ouais, bah, en même temps, si tu m'aides pas, vas-y, c'est bon, normalement. Réalisateur là. Ah, impeccable. On sort, on m'entend, bah c'est bien. Ouais, ouais, t'entends. Parfait. Bah, ravi de vous entendre. Qu'est-ce que vous foutez là que vos casques vous êtes de revenir dans le coup? Ah, moi je suis nous fait venir parler. Mais je rigole, on va ramener un par. Alors, il paraît que moi j'ai fait le défi la semaine passée, donc il paraît que je suis dispensé. Moi aussi, moi je suis dispensé. Tiens, je suis dispensé aussi. Non, non, tout le monde le fait. Alors, c'est le jeu du serveur, on a l'habitude. Hein, pourquoi? Bah, si je tombe sur ma main. Question de m'en foutre aussi. Bah, attends, c'est facile, c'est ça. Bah, t'auras encore mal. Alors le jeu de savoir c'est très très simple. En fait, on a un grand couloir à la radio. Ouais. Et du coup, on va mettre une chaise qui tourne. Ouais. Le but, évidemment, c'est qu'il y aura un plateau avec trois verres d'eau remplis. Oh non. Il y a un très long couloir à la radio. Et le but, que ça me regarde avec des yeux comme ça. Voilà. Et le but, c'est qu'on va tourner, on va tourner, évidemment. Alison, elle va gérer ça. Tranquille. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible avec les trois verres remplis d'eau. Fait chier. Vous avez un sac pour vomir. Pour l'instant, le gagnant, celui qui était le plus loin, c'était Al. Au précédent défi, évidemment, du jeu des serveurs. Donc à l'échelle de Al. Alors, je demandais, tiens, Alison, pour la démarrer. Allez, hop. Allez, Alison. Ciao, Jojo, allez. Toi, Ben, et Quentin, vous allez rester là. Jojo, il va tourner Alison. Enfin, il va tourner. Je souhaite une bonne chance. Hein. J'ai envie de faire tourner. Ouais, bonne moi. Chance. Alison. Putain, je vais de la tourner, elle. Allez, vas-y. Donc, l'équipe qui est partie se préparer. Alors, rassure, il y a des gens qui sont là pour ta sécurité au cas où qu'il t'arrive quelque chose, Alison. Non, mais c'est ouais. Là. Là, t'es barré dans le couloir. Là. Bah, là, tu t'assois. Alors, stress total. Tu vas réussir à le tourner ou pas? Attends, bah, Geoffrey, il va le faire aussi. Attends. Attends, moi faut que je puisse. Alors, nous on est en studio là, on voit que dalle. Ah, mon stop hein. On a que le son dans le casque. Ouais, voilà, c'est ça, on entend, c'est tout. Ouais. Comment ça se passe de l'autre côté? Ça se passe. Attends. alors, attention, on va démarrer, tu peux couper le bed. Ouais, c'est bon. Ah, ouais, mais il est juste derrière toi, regarde. Moi, si je veux faire sans plateau, c'est bien. Hein. Non, je fais avec le plateau. Ah, tu vois, t'as trois verres d'eau. Non, le plateau, donne le plateau. Tiens, donne. Attends, deux secondes, on organise ça. Tiens, tu lui donnes au passage. Oui, vous vous démerdez le cul. Le plateau, c'est galop. Faut que ça s'installe. Ouais. On la tourne. Allez, c'est parti, on démarre avec Alison. Attention, premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième, cinquième tour. Faites attention à elle. Il faut en faire combien de tours au maximum? Attention, je dirais. C'est à mon stop. Non, pas maintenant, je dirais à mon stop. Ah non, mais si, c'est pas marrant. Allez, on continue. Allez, on continue. Non, on s'en fout, allez, on continue. Allez, on s'en branle. De loin, c'est mortel. On continue. De loin, c'est mortel. Continue encore, encore. Toi, 3 tours. T'as de la chance. Ouais, moi, je bois un peu. Encore. Attention, 3. Je crois que ça va taper 2, les murs là. Ah, go. Et bim. Allez. Si on entend un boom, c'est qu'elle est tombée. Putain, elle arrive jusqu'au bout. Ouais, là, elle arrive pas à tourner. Hein. Ça, c'est le fait de travailler chez Croco, ça. Ouais, vous l'avez pas. Vous l'avez. Nous, d'habitude, on se casse la gueule. On l'a tourné à deux. Non, c'est pas normal. Alors, faites-la moi tourner. Donne-moi le plateau, là. Non, attends, c'est pas bien, ça. Tourne pas sur toi-même. Bah, si, hein. C'est mieux sur toi-même. Sur soi-même, c'est mieux. On s'en sort. Ah, vaut mieux. Oh, c'est le bordel. Je suis au bout du rouleau. Attends, je le fais, moi. Allez, ok. C'est le bordel au couloir. Moi-même. Ok, bah c'est Jojo qui démarre. Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est le jeu du serveur là dans le couloir de la radio. Et c'est le bordel. Oh bordel, comment il tourne vite lui. Ah non, mais il va se casser la gueule. Oh, c'est sûr. Tu entends. J'ai envie de tourner. La gueule. Je te dirai. J'ai envie de tourner. Encore un petit peu. Espèce de con. C'est ma phrase. Par contre, les gros mots, évitez de les dire en face du micro, ce serait mieux. Encore, allez, vas-y. Vas-y, go. Boum. Allez. Ouais, c'est ramassé la gueule. Voilà, il s'est ramassé la gueule avec les trois verres. Ah, voilà. Oh putain, sa mère, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, bah écoute. Donc, non, ça va, on n'a pas mis beaucoup d'eau. Ah, il s'est pété la gueule en plein milieu. Ça va, ça s'est pas fait mal. Ah, faut savoir que la dernière fois qu'il a fait ça, il s'est pété avant. Ah, faut le savoir, c'est très dangereux ce défi. Ah bah. Bon, pour l'instant, Jojo. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut remplir les verres d'eau? Allez, remplis les verres d'eau. On est en train de gâcher l'eau pour rien. Alison. Alors qu'à des petits Africains qui meurent de soif. Ah bah écoute. Attends. Tiens, Quentin, prends le micro. Ouais, j'arrive. Alors, bonsoir, je m'appelle Quentin. Je dois parler là en fait. C'est ça qu'il veut dire. Bah, je sais pas, bah, viens, on parle, hein, écoute. Oh, écoute, comment ça va, Ben? Ça va, tranquille, toi, Ben? Ouais, t'es tout seul, moi aussi. Bah, on est tout seul, à deux dans le studio, écoute. Y'a que le public qui reste là en fait. Voilà. Ils sont fidèles avec nous. C'est bien ça. Ah, c'est sûr, si tu tombes, tu tombes droit sur toi. Ta gueule. Je fais une petite dédicace à Andy qui écoute. Bon, ça se passe comment de l'autre côté là? Ça peut te foutre. Merci de ta réponse. Alors là, c'est maintenant, c'est Alex qui va tourner sur place. Oh putain. Attends, Ouais, faut que je gère le micro quand même, j'aurais pas la chance d'aller le voir. Attention, c'est Alison qui va. Vas-y, vas-y. Non mais regarde le pied, regarde le pied. Qu'est-ce qu'elle fait, elle tourne sacré foutoir à notre côté. C'est énorme. Allez, continue. Ça, bah elle tourne, elle tourne. Alison, elle tourne. Enfin, elle tourne pour le jeu. Elle aime bien tourner. T'aimes bien, hein. Allez, attention, elle tourne. Attention. 3, 2, 1. Go, go, go. Mon dieu. Allez. Et boum. Ouais, il a réussi. Et voilà. Elle a réussi, je te promets. Ouais. Ah, t'as perdu. T'as qu'à faire attention. Elle a perdu alors. Bah, en fait, Ali lui a donné un gros coup dans le. Non, bah, j'ai bien fait le truc, Fais tourner Al. Putain, je suis trompée. Fais tourner Al. Allez, faire attention aux obstacles. T'es c'est beau, ils nous entendent pas. Cherche-toi. Cherche-toi d'aller dire de faire tourner Al là. Qui a. Alors, par contre. Qui a aidé Alison à se casser la gueule. Faut faire tourner Al un petit peu là. Ah, Al. Ouais. Parce qu'il y a déconcentré Alison quand même. Non mais si, maintenant ça va être un jeu frais. Ah, le dernier ce sera Al. Parce que c'est long, hein. Le dernier ce sera Al. Ouais, est-ce qu'on peut remplir les verres d'eau? Attention, ça va être un jeu frais maintenant. Geoffrey, fais attention aux obstacles. Par contre, il y a les auditeurs, ils arrêtent pas de parler depuis tout à l'heure, j'entends absolument pas ce que tu dis. Hein. Excusez-moi les gars, pour le dîner, c'est après. Là, 23. Ah, bah ça va Nicolas, casse tes couilles Nicolas en fait. Attention, ça tourne. Je suis bien là Quentin. Non, on est bien posé là. Ouais, on est bien. Ah, il tourne. Ah, allez. Le bordel, il va flinguer. Il va flinguer à mur. Attends, allez, continue, faut pas lâcher. Allez. Et attention, il y a le mur. Attends, vas-y, hop. Allez, go. Oh putain. Ça craint du boudin. Qu'est-ce qui est passé là? C'est moi qui gagne. Qu'est-ce qui vient de passer? Ils nous entendent pas du tout. Hein. Alors. Il faut expliquer que il vient de se casser la gueule dès le début quoi. Qui ça, Jojo? Hein? Qu'est-ce qui est passé? Jojo. Okay. Moi j'ai gagné. Donc le grand vainqueur. Hein. Après les gouttes d'or, ça va être quoi là? La bouteille moi, de champagne. Je joue pas, en fait, moi. Non. Si bah attends. Okay, bah non, mais il faut encore deux personnes. Moi j'ai juste envie de vous dire que j'ai géré. C'est tout. J'arrive. Quentin, vas-y, j'anime. Ah, je vais le faire, vas-y. Tu sais animer? Ah oui, j'anime. Je plaisante. Ah Quentin. Oh non, mais elle est pas belle. Elle rigole pas dans le micro. Je sais pas si on fait des directs. Si on fait des directs. Bon, bah, c'est à mon tour, c'est parti. Vas-y, fais un direct. On fait un direct ? Ouais. Allez, on va faire un petit direct. Un direct. De toute façon, on est en direct. Sur les deux là-bas. Ah bon ? Directement sur le compte Alison, titre en Radio Mixlore. Allez, Quentin. Ouais, attends, c'est au tour de Ben là. Ah, c'est Ben. Ouais, c'est parti. Donc il va y avoir un direct. Il faut partir de la barre là, c'est ça ? Ok. Hop, allez, c'est parti. Quoi, c'est la barre ? Ah, ok, ouais, d'accord. Je viens de comprendre. Ah non. Ah bah écoute, c'est drôle. Vous pouvez arrêter de parler dans le micro, s'il vous plaît, là. C'est moi qui anime. Eh. Par contre, évite de dire de la merde en direct, ce serait bien. J'ai rien Hop, dit. Allez, je fais un petit direct, les amis. Petit con. Bon alors, ça donne quoi, là? Ça donne que ça tourne. Ça donne quoi? C'est Ben. Alors, comment tu te sens, Ben? Mal. Ouais, parce qu'il a son poignet de pété. Faut arrêter de te branler la nuit. Attends. Ah, il a fait combien de tours là? Attends, reprendre zéro, ce sera mieux. Revienne, s'il te plaît. Règle de français. Règle de français. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut 15 tours, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 13, 14. 14, encore un, allez, 15, allez, c'est parti, allez. Allez, hop, c'est bon. C'est premier pas, première chute. Et bah, c'est bien. Ah, voilà. Je suis encore en course. Ça y est, c'est fait. Ben le stagiaire, enfin Ben, c'est cassé la gueule. Quentin, c'est toi le stagiaire. C'est toi le Quentin là? Oui, c'est moi, oui. C'est à toi de le faire? Oui, ça va être à moi. Ne me démoralise pas, s'il te plaît. 15 tours, putain, ouais, le son, je vais vomir mes tripes. J'ai fait 15 tours, moi. Je vais vomir mes tripes. Bah, je vais le faire. On fera le meilleur pour la fin. On fera le meilleur pour la fin. Toi? Moi j'y vais. Ah non, il y a encore Al, tu dois passer aussi. Attends. Ça va Ben? Tu t'es fait mal? J'ai l'impression qu'on t'a poussé un peu, non? On a rien senti. Bon, attends alors. Il y a Alex qui va reprendre le micro. Voilà. Ah, allez le faire, mais si, mais attends, en plus, faire, on va me filmer quoi. Allez le faire à Quentin. Ça craint du boudin. On est en direct pour ceux qui nous rejoignent, c'est le défi du serveur. On est dans le couloir de la radio. Le but, ouais, c'est d'aller le plus loin, ouais, possible. Attends, alors, je vais passer le micro à Jojo. Ouais. Vas-y, 15 tours. Je te préviens, 15 tours, je compte. Ah oui ? Vous avez rempli les gobelets ? Alors. Ah, en plus, je vous vends en direct. Hein ? Ouais, t'as vu, on a les directs. Ça, c'est beau. Alors, c'est parti, on tourne. Allez, vas-y. Ouais. Allez, c'est parti. Ça arrête. Attends, y a pas le plateau avec l'eau. Oh là là. Ah, il est là. Merci, Jojo, merci. Hein. Excuse-moi. Hein, ah, gueulez pas trop tous en même temps parce qu'on n'entend rien. C'est le gâteau qu'ils ont mangé mardi. Bah ouais, c'est bon. Pendant qu'on n'était pas là. C'est bon en plus. Hashtag on n'était pas là. Donc. Ah, c'est prêt? Vous êtes prêts? Vas-y, tourne parce qu'il va remplir. Vas-y. Allez, vas-y. Tourne. Mais dépêche. Mais non, tourne. Mets-toi sur le côté pour pas qu'il tombe. Vas-y. Tourne, il va te passer le plateau. Vas-y. Allez. Gars, chaud aussi. Lui. Allez, attention, on y va. On dépêche un petit peu, on a la bourre là. Non, mais attends, ils sont en train de. Allez, on y va. Allez, c'est bon, Quentin? Allez, c'est bon, Quentin. C'est bon? Ouais. Allez. Ouais. Allez, c'est parti. Non. 1. 2. 3. 4. 5. C'est à 15, hein, c'est à 15. 6, c'est à 15. 7. C'est à 15, hein. 8. C'est à 15 tours et après on l'envoie dans le couloir. Il est en train de tourner sur lui-même. 10, hein. Pour ceux qui nous rejoignent en direct. 11, défi du jeudi soir. 12. 13. 14. 15. 15, on y va, allez. Aïe, c'est Cormo, c'est Cormo, je gagne. Non, c'est moi qui gagne, j'étais dans le fond. Non, toi tu t'es tombé avant. J'étais dans le fond en premier. Il s'est éclaté le genou. Ah, il s'est éclaté le genou. Et ah toi bah. Tu le fais? Hein? Bah non, on a pas trop le temps. Non, bah, c'est bon, c'est, j'ai gagné alors. Ah, non, mais je l'aurais bien fait, mais on a pas trop le temps. La bah non, mais sinon je le fais, bah sinon, bah, vas-y, bah, je vais le faire. Ah, il va le faire. Ouais. Tiens, quand même. Non, c'est parce qu'on est vraiment là-bas. Putain, ça tourne encore. Quand t'as reprend le bordel. Faut que je lâche le bordel. Quentin, il s'est fait mal. Attends, je vais essayer de faire le défi en direct. Moi, je dis que c'est moi qui a gagné pour le moment. Non, je vais le faire, ouais. Il faut je que me suis la tête genou, là. Ça... Bonsoir tout le monde. Ah ouais. J'ai trop mal. Il y a... Ah donc, c'est Alex qui va passer, là, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Alex. Alors, on rappelle aux auditeurs... évidemment sur Allison pour filmer toute voilà, la scène. Voilà, on rappelle aux auditeurs de se connecter sur ouais, Allison contre, Radio Mixplore. Par contre, les auditeurs, certains, il y en avait une pièce privée. Toi, gueule, là. Et cassez quoi. Pas content. Allez, voilà, pas content. Va ta place, au coin. Salut, attends. Qu'est-ce qu'ils sont indisciplinés, ces auditeurs. Ah ouais, non, mais... Les Calisiens. On les reconnaît, les Calisiens. Bon, l'a dit, oubliez pas le retour des pervers, évidemment, dans quelques instants. Évidemment, ah ouais, il y aura, ça, hein. Il y aura la vie de merde avec Jo. T'as joué, là. T'as joué, là. J'en ai mis partout, mon ventre. Est-ce que c'est bon? On a le plateau, c'est bon. Bah attends, il faut qu'il y en ait un qui me tourne. Ah non, c'est moi qui tourne. C'est toi qui dois tourner tout seul. Jojo, il a demandé qu'il tourne. T'as envie de te caresser la chatte, là. Ouais, belle chatte, là. Tu sais qui... Tu sais qui voulait prendre le micro animé? C'était notre auditeur. Nicolas. Ah, Nicolas. Je ne pense pas qu'il fasse partie de cette radio. Donc voilà. Hashtag il est pas là. Ouais, bien sûr. Dans la tête. Ok. Vas-y. Non. Non, ouais. Tiens, allez là. Hop, je reprends le micro et c'est Alex qui va faire également le défi. C'est 15 tours. Une. J'ai trop envie de me lever de le pousser. Deux. Vas-y, viens le trois. Pousse. Vas-y, viens, Jojo. Non, vas-y, toi. Quatre. Et donc là, c'est au tour d'Alex. Là. Vous l'entendez? Pas très, très content de faire ces 15 tours. Sept. Huit. Neuf. Par contre, dix. Par contre, il va pas vite. Hein. Onze. Douze. Parce que vu l'écart qu'il y a entre chaque seconde... 14 et 15 et c'est parti. Alex va prendre des petits verres d'eau. Oh là là là là là. Suivez nous en direct les amis sur Allison qui prend Radio Mixplore. Ah il s'est ramassé. On a le direct de Alex qui s'est bien ramassé à terre.

ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Allez, bonne soirée, le son de Soprano à l'instant, en feu, en direct évidemment, jusqu'à 23h, on est là. Jusqu'à 23h, et notre gagnant finalement de ce jeudi serveur, c'est notre Jojo National, évidemment. On peut l'applaudir. Bravo Jojo. Moi j'applaudis pas, c'est un connard. Il est fier, là, il est fier. J'applaudis pas, c'est un connard. De quoi, qui est un connard? Jojo. Pourquoi faire? Il m'a fait chabite. Bah il m'a fait chater ton. T'as bien pointé en plus. Ouais. Oh là là. En plus je suis mouillé et je pointe. Oh là là. En plus ça se voit bien. Ça hein. Se voit bien, ouais, c'est. On est en direct évidemment jusqu'à 23h en tout ah cas. Ah oui, pardon, on est en direct. Merci de passer la soirée avec nous. On va se faire tout de suite parce qu'on a pris un peu de retard. Ah ouais, avec tous des fils, c'était un merdier, pas possible. Ouais. Vie de merde avec Jo tout de suite. Bah ouais. Non mais ouais. Oh lui il n'a peu plus. Il a chaud, il a chaud. Il a chaud lui. Allez on t'écoute vite. Allez on y va. Alors où Quentin là, il a le buvette ou quoi? Dans ton cul. Il est parti faire coco. C'est la soirée d'Alex là. Vie de merde avec Jo, on t'écoute. Alors aujourd'hui j'ai fait une petite compile pour les gens qui se disent ouais moi j'ai un boulot difficile tout ça. Alors je vais leur prouver qu'il y a pire que leur boulot. Ah bon, les pires boulots du monde. De toute façon tout métier est difficile de toute manière. Tout métier est difficile mais alors ceux-là ils sont pas mal. Ah ouais, on t'écoute. Ils sont pas mal. Alors on va y aller. Une petite pensée à Quentin, tiens, pour celui-là. Gérant d'un cinéma porno. Ah, ah. Gérant d'un cinéma porno. J'arrive juste à temps là. Bah pourquoi dédicace à Quentin? Il a entendu que le mot porno. Ah ouais, parce que... Par rapport au pervers. Parce que faut savoir que ce métier-là, il consiste à accueillir des gens un peu seuls, hein, qui cherchent la compagnie des dames sur écran géant, tout ça. Donc, ou viennent... la compagnie tout seul. Ou la compagnie tout seul. Hein. Donc ils viennent au cinéma. Donc ces gens-là, au début, bon, ça va, il faut leur vendre les tickets, il faut leur vendre les glaces, le popcorn. Mais là où ça devient dégueulasse, c'est qu'à la fin de la salle et de la séance, il faut aller nettoyer tout ça, ramasser les mouchoirs qui collent, etc. sur les banquettes. Quoi. Ouais, bien dégueulasse. Ouais. Les aussi sur les fauteuils. Voilà, ouais, voilà. Il faut bien nettoyer les traces, quoi, ce qui reste. Oui, on a compris, quoi. Allez, vous, faut laver le sperme, quoi. Voilà. C'est vrai, ça a été dégueulasse. Ouais. Après, tu prends l'habitude, mais c'est vrai que. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit pas sur mon ventre. Ah. Sur le mien de ventre. Ouais. Fais ce que vous voulez à deux. Aïe, aïe, aïe. Je peux faire un cocktail. Alors, un autre métier, bon, aussi dégueulasse que le premier, mais apparemment assez casse-couille. Vous connaissez les gardes royales à Buckingham Palace? Vous savez, ceux qui sont en rouge avec les grands chapeaux noirs. Ouais, les trucs de 3 mètres. Alors, apparemment, ils n'ont pas le droit de bouger. Bon, tout le monde le sait, ils n'ont pas le droit de bouger, ils devaient être au taquet et tout ça. C'est ils excellent. Se font emmerder à longueur de journée à base de touristes qui viennent prendre des photos. Tout jusque là, c'est fait, gentil. Moi. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? Je me suis approché, j'ai fait. Voilà. Comme ça, avec ta langue. Pour voir s'ils bougeaient, quoi. Je leur ai mis à dos dans le cul. Je voulais leur faire un chabit, mais j'ai pas osé. Donc, moi, je dis, ces gars-là, quand même, ils sont imperturbables et j'espère qu'ils ont un bon salaire parce que faut y aller quand même. Bon petit métier de merde. Alors, ensuite, on a. Lui. Non, vas-y, deux. Vas-y, la suite. Ensuite, on a alors dans certains pays, genre l'Ouzbékistan et tout ça, les pays bien. Voilà, les pays de l'ancien bloc URSS, tout ça. Et à mon avis, ça se passe aussi d'autre part. Masturbateur d'animaux de basse-cour. Ah ouais, ouais. Ça. Pour j'ai déjà fait moi. Pardon. Pour la reproduction. Ouais, voilà. Ouais. Ça m'étonne pas que tu l'as déjà fait. Donc faut savoir que certains animaux comme le cheval, entre autres, et bien d'autres, il faut les stimuler avant la reproduction. Ah oui. Ah ouais. Donc, les taureaux, tout ça, ouais. Voilà. Ouais, donc il va falloir sortir le braquemar et puis jouer avec avant de présenter la vache. Ah, c'est que ça va être chaud. Ça, c'est chaud. C'est un boulot. C'est gore aussi. C'est un boulot. Accoucheur d'éléphants. Ah, j'imagine le truc. On a tous vu des images de vétérinaires qui accouchent des vaches, qui mettent un bras pour sortir le veau. Vous imaginez le vagin d'un éléphant? Là, à mon avis, on peut carrément rentrer dedans. Bah, essaye, tu nous dis. On peut mettre une grosse teuf dedans. Ah ouais, essaye. Grosse soirée. Tu vas faire quoi ce soir? Je vais rentrer dans un éléphant. Bonne soirée, ça. Tu t'as dit comment? Je t'enverrai un selfie. Ouais. Alors après, dans le même genre aussi, un peu moins sale, goûteur de nourriture pour chat. Donc, ça c'était déjà fait dans les défis auparavant. Donc bon, ces gens ils créent les recettes pour nos amis les chats à base de poulet, de bœuf, tout ça. Mais après, ils doivent les goûter quand même avant de les faire goûter aux chats. Donc c'est un peu tendu quand même, quoi. Bon, après. Ouah, après, il y a la bouffe gratuite, quoi. Waouh. Ah, c'est notre collation. La suite après. Qu'est-ce qu'il y a comme date boulot? Mais attends, il sait pas. Les dames pipi pendant les concerts. Ah, moi je connais la dame pipi de la discothèque où on travaille. Voilà, donc elle doit avoir des vertes et des pas mûres. Mais alors t'imagines dans un concert où ils sont je sais pas combien, ils sont tous starbés, ils sont tous bien bourrés. Elle est pas mal dans la merde. Elle est pas mal dans la merde, la pauvre. Donc, ouais, c'est pas marrant. Hein. Donc, pensez bien que le jour où vous plaignez votre boulot, il y a pire que vous quand même. Hein. C'est vrai. Enleveur de chat écrasé sur la route. Oh non. Oh ouais, mais ça c'est la DDE. Ouais, c'est pas vraiment un boulot. C'est pas un boulot. C'est un boulot quand même. Ouais, bon, ça fait partie de ton boulot, mais c'est pas. Voilà, faut. Pauvre bête. Moi j'aime bien les chats, voilà, ça me ferait mal au cœur d'ramasser un chat, quoi. Est-ce que tu peux me ramener Teddy là, qui est là dans le public? Parce que lui il fait un peu près pareil, tu vas voir. Ouais, on en avait parlé la dernière fois. On en parle tout le temps de ce qu'il fait, ramasser des cadavres sur les trucs de la SNCF, c'est bon, on le sait. Moi personnellement je pourrais pas. Franchement, et alors? Non. Tu ramasses un doigt, tu ramasses une couille, je sais pas. Ok, d'accord. Après il y a quoi d'autre? Homme sandwich. Homme sandwich. Ah oui, ça on l'a déjà fait ça. Ok. Attends, on est à Teddy, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, excuse-moi, vas-y, attends. On est à Teddy, lui il ramasse. Parce qu'on parlait des mecs qui ramassent des chats sur la qui route. Qui ramasse des chats et toi tu ramassais des cadavres à un moment donné. Ouais, j'ai ramassé des cadavres. Je sais pas, on me fait venir pour dire ça, c'est génial. Ah, bah, c'est génial votre émission là. Ah, bah t'es gueule, si t'es pas content, tu vas ailleurs. Ouais, c'est vrai, tu viens plus. Ouais, va sans gâte dans les dunes. Ouais, il a dit hier qu'il allait en parler. T'étais payé pour faire ça? Ouais. T'étais payé à la prime à chaque cadavre que tu ramenais? On était payé par prime. On avait un suivi psychologique à chaque fois qu'on allait on allait voir un psychologue, on avait un chèque en fait qui nous entre guillemets remerciait. Et quand t'allais dans les dunes, t'avais un chèque aussi? Non, il était payé en nature. Non, j'avais un numéro de téléphone. Il était payé en liquide. Et en fait, ouais, ça fait partie de ton boulot, tu passes à la SNCF et du coup, quand il y a des gens qui se jettent sur les voies, et ben, tu dois les ramasser. Ouais, je faisais ça avant. Je traite plus ça maintenant. Ah, c'est vrai, c'est chaud. Ouais, c'est... Bah, surtout que j'ai commencé ça à 18 ans, tu vois, donc... Ouais. T'as pas de chance. Hein. Voilà. Tu as ramassé des fois des doigts par toi Des doigts. Et t'as déjà ramassé des couilles? Généralement, ils ressemblent plus à rien, les couilles, à ce moment-là, tu sais, mais bon, ouais. Ah, ça doit faire drôle. Mais bon, après, t'es blasé, tu vois, tu fais plus attention. Tu joues au contraire avec, tu vois. Ah, tu joues avec les doigts et tout. Tu fais des tas et tu joues avec tes bras, tu vois. Dans ton cul, le doigt. Tiens, je l'ai pas encore fait avec ma femme ce soir, alors faut ça le doigt d'un patient. Ok, merci Teddy. Voilà, merci Teddy, tu peux partir dans les dunes. Bon, la suite des pires boulots de merde. Et le petit dernier, vendeur de roses ambulants. Donc, dans les toi, surtout toi. Ah, les vendeurs de roses. Lui, tu dois le voir, le fameux Pakistanais qui vient dans ta boîte de nuit, qui se fait refourguer par tout le monde, à qui souvent on lui dit non merci, j'ai déjà baisé. Et d'autres. Non, mais on l'aime bien, notre Pakistanais. Mais il se fait refourguer. On l'appelle partout. Malik. Il nous connaît. On l'appelle Cyril Hanouna. Il vient dans le... Parce que chaque fois, vous avez remarqué que lui, le Pakistanais, il a toujours le sourire. Ouais. Il est toujours content, c'est vrai. Pourtant, il y a un boulot de merde. Mais bon. Ouais, il passe son temps à plus à se faire jeter que de vendre des roses. Mais c'est une mafia tout ça derrière ces trucs là. Mais c'est vrai. Mais il les vend combien ces roses au fait? 2 euros je crois. Le pire dans tout ça, c'est qu'après il repart en BMW. Ouais. Moi, ça, je dis rien. Il a pas une BMW lui. Ah bah tiens, vous avez vu si. Espèce de menteur, il a pas une BMW, je le vois, il a ça. On en a vu un à Dunkerque. C'est une roulotte. À la sortie d'une nouvelle boîte qui vient d'ouvrir, on l'a croisé, le Pakistanais. Il devait être 2h au matin. Il est sorti de la boîte et on l'a vu monter dans la dernière berline Mercedes. Non mais ça c'est le mafieux, il va chez le mafieux. Ouais, puis en France on s'en fout de ce qu'il Moi j'ai repart en mobylette, je sors de boîte. Bon, bref. Et le dernier petit boulot. On a tout fait. Ok, bon merci en tout cas. Reste avec nous jusqu'à 23h, on est là. On bouge pas, putain on est carrément là-bas, on est allé passer ce soir. Si ça vous dérange pas, c'est pas grave. On est là parce que je sais pas si on aura le temps de tout faire en tout cas. On est là ensemble, on bouge pas. Qu'est-ce qu'on se fait dans quelques instants? Qu'est-ce qu'on se fait? Tiens, bon, on se fait la minute gaming avec Ben, on se fera le top ou flop également. Et puis on se fera un petit pervers. Peut-être pas. On essaiera de réécouter le pervers de hier. Un petit morceau juste au moment où. C'est pas réécouter Chantal. Hein? Ma copine Chantal. Oh, mais il fait chier que Chantal. Lui, Chantal. Hein. Allez, PWM en direct, bienvenue. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma URI si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien. Que ma santé, si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchon dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro mille. de blême pour. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Trouve même plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blême pour. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé sur le. Allez, bonne soirée, le son de PWM à l'instant avec Shy en direct évidemment jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Du lundi au jeudi, 21h-23h, Alex Ibrantel sur Radio Mixplore. Allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Évidemment, dès demain soir, le week-end démarre avec Plate Mix. Cette fois-ci, ça sera pas Quentin, c'est une fois sur deux, hein, c'est Quentin moi-même. Demain, ça sera moi-même aux commandes du Plate Mix avec les DJ résidents. Il y aura DJ Netek demain, il y aura DJ Chibas, il y aura DJ Sev. Et je serai aux commandes évidemment à partir de 20h ici même sur Radio Mixplore jusqu'à 23h pour démarrer le week-end. Et samedi soir également avec le Plate Mix. Et voilà, en tout cas, on est là ensemble. C'est la dernière de la semaine. Pour ceux qui doivent partir se coucher, pour d'autres qui partent travailler, en tout cas, rendez-vous dès lundi 21h. Pour de nouveau la libre antenne, mais on l'a ensemble avec Ben qui, ouais, qui est là. Il y a Jo qui est avec nous, ouais. Il y a Quentin qui est avec nous, oui, également. Il y a Alison, oui. Et puis il y a Jojo qui est avec, oui, nous. Et tout de suite la minute, minute. C'est un mélange de minute et de nuque. La minute la avec. Mélange. je suis au bout du rouleau. C'est jeudi soir, c'est pas grave. La minute gaming avec Ben. C'est ça. On va commencer avec le top 10 des téléchargements sur l'Apple Store. Ah. Qu'est-ce qui se vend le, qu'est-ce qui télécharge le plus sur les smartphones? En première position, un jeu qui a fait le buzz cet été. Pokémon. Rock Ben, il s'est fait dire le suspense. Hein. Ouais. Pokémon. Pokémon Go, c'est exact. Attrape qui l'a dans. Ça vaut plus rien. Non, je l'ai enlevé. Bah tout le monde, quasiment tout le monde y a joué. Hein. Non. Ah, non, Quentin et moi, on n'a pas joué. Non. J'ai juste installé. Je suis tombé sur un groupe Facebook. Pokémon Go Calais. Ouais. J'ai vu pas mal de monde inscrit dessus, hein, je dirais rien. T'es encore avec sur Calais, toi. Pourquoi, hein, pourquoi tu me regardes? Parce que c'est pas moi. Alors, mais toi, c'est pas moi. Ouais, moi, je l'ai supprimé cette merde. Ouais. Après, les groupes, t'ajouté automatiquement. Donc, ouais. Non, après, lui, Ben, il est à fond dedans. Quoi. Ouais. Mais... J'ai vu Al. Ouais, non, mais Al aussi. J'ai vu Al, j'ai vu Ben, et il y en avait un troisième, je sais plus, je serais plus dire qui, hein, mais il y en avait un troisième. Tonton Manier. Peut-être Tonton Manier, ouais. Peut-être bien. Ouais, Tonton Manier, il est à fond dedans aussi. La suite. En deuxième position, c'est Flip Giving. Ah bah oui, tout le monde connaît ça. Non. Bah, après, je connais pas. Les clairs malanternes. Hein? Il y a qui s'y lol, il se cassait la gueule. Je sais pas, la bouche, il a tombé, je sais pas ce qu'il a fait. Ok, Flip, c'est un jeu de quoi? Je sais pas. Ok, merci. Le Flipper. Bah, attends, allez. Il a bien préparé sa chronique, hein. Il a vraiment bien préparé ça. En plus, il a même pas fait l'hamburger. Hein. J'ai dit que j'allais faire le top 10, j'ai pas dit que j'allais expliquer les jeux. C'est vrai, j'avoue. Vas-y, alors c'est quoi après la suite? En troisième position, c'est Vertigo Racing. On connaît pas. C'est quoi ça? Bah, jeu de caisse à mon c'est, avis. Ouais, hein. Je pense que c'est un jeu de. De voiture? Peut-être d'avion, parce que Vertigo. Ouais. Et Racing, c'est quoi? C'est quoi? Pour les voitures? Vertigo Racing. C'était très très intéressant. T'en direct. Ouais, c'est un jeu de voiture. Le type baille en plein direct. T'as bon réussi. Complètement cinglé. La suite. En quatrième position, c'est Ketchup Tennis. Ah, ça c'est un jeu avec du ketchup. Non, hein? Ketchup. Ah, pardon. Ouais, ok. Ouais. Ketchup Tennis. En cinquième position, c'est Six. Ouais. Sixième, Radar Go. Ouais. Radar Go, ça doit être pour Pokémon Go. À mon avis, ouais. Ouais, ouais, peut-être te faire fâcher. Ouais. Oh, c'était pour les applications de radar. Ah, peut-être radar. Aussi pour les radars. Non. Radar Go, ouais, je pense que c'est ça. Pour les radars. Ouais. Moi, je pense que plus pour attraper radars. Tous les radars, c'est comme les Pokémon. Oh, voilà. En 7ème position. C'est la compilation de tous les radars. En 7ème position, Dofus Touch. Bah ouais, touch. Dofus Touch. Ce touch, ça fait un peu. Pareil. Dofus, on connaît tout ça. 8ème position, Angry Bird 2. Ah, ouais, ça, je connais. Oui, je connais. 9ème position, Asterix and Friends. Ah, ça vient de sortir, ça, c'est tout nouveau. Ouais. Et en 10ème position, Clash Royale. Ah, Clash Royale, ouais. C'est avec les fameuses règles du duel. Et Candy Crush, il a combien de positions? Oh, il est loin. Moi, je joue à Clash of Clans encore. Clash of Clans. Clash of Clans, ouais. Bon, reste avec nous en tout cas. Et deuxième truc en. C'est pour lundi ou mardi. Ah bah, tu... oh bah avec la peau, c'est gaillard aujourd'hui. C'est bien, Ben. Le mec, c'est après-midi. Voilà, j'en ai assez fait dans ma journée. C'est après-midi, il m'appelle, il me dit bon, écoute, j'ai ça et tout pour ce soir. Il me dit ça va, j'ai deux trucs. Et le mec a tellement pas envie de se casser le cul pour lundi que bon, non, autant, mais l'autre soir. On va parler, on va le faire le top 10. Et puis, L'autre soir, il m'a fait chroniqueur. Non, mais imagine si lundi ou mardi, j'ai pas d'actu. Bah, au moins, j'en aurais une. Ah, voilà, on sait jamais, hein. Toujours une roue de secours. Voilà. Prendre des préventions. Voilà. Okay, des précautions. Des précautions. préventions également, ça passe, hein. Non, mais l'autre jour, il m'a fait plaisir. Il a parlé de Destiny. On s'en fout. J'étais pas là, mais je l'ai écouté. Il a parlé de Destiny. On s'en fout. Top ou flop maintenant. Nike lance les chaussures auto-lassantes en vente fin novembre comme dans Retour au Futur. Est-ce que c'est top? Est-ce que c'est flop? Top. Top. Top. Top. Top. Top. Top. Top. Il faut qu'il se calme. Il est nerveux. Top. Top. Top. Mais limite ouais. Limite ouais. Ça fait. Ça fait longtemps que tu t'es pas masturbé. Ah, non, mais tu te rends compte que c'est quand même un film culte. Bah, je sais pas. C'est quand même un film culte. Ils ont fait quoi, un film de cul? Ils ont non mais il y a eu quand même pas mal d'inventions qu'on a vu dans ce film qui commencent à apparaître maintenant. Ouais, le vrai, fameux ouais, overboard, mais... regarde. Ouais, mais tout le monde hein. s'y met. Et, bah oui, mais on est en retard, on fait avec les progrès de l'époque aussi. Hein. Ouais, mais là, l'époque, ils étaient plus avancés. Là, on est en retard. Alors après, il faut savoir que les baskets, elles sont déjà sorties il y a quelques années en contrefaçon et il y a 2 ans en marque chinoise. Tu pouvais les commander sur internet, mais là c'est les Nike qui va les sortir. Donc là, à mon avis, ça va super bien marcher. Ouais. Parce que les contrefaçons se sont vendus, mais. Ça, c'est pour les feignants. Ça. Et les prix aussi. Mais pour envie de faire tes lacets, c'est pour les geeks. Les geeks, les. Ouais. Les feignants, quoi. Bah, Ben, il va les acheter alors. Ouais. Ah, bah, c'est pas le seul. Je sais pas comment ils sont. Ah, il y a des chances. Vous savez que c'est pas mal, ouais. Bon, auto-lassante, c'est bien, ça te lasse automatiquement. Bah ouais, mais elles marchent à pile. Mais elles sont, ouais, voilà. Mais elles sont super classe en plus. Et ça marche à pile. Et les prix doivent être beaux aussi. Répondez-moi pas à ma question. C'était pas si cher que ça. Oui, tu disais ça. Ça marche à pile. Bon, je pense, ouais. Bah, je sais pas. Ou à batterie peut-être. Ouais, voilà. Imagine, tu dois charger tes godasses quoi. C'est les baskets 2.0. Excuse-moi, je peux pas venir travailler, je dois recharger mes godasses. Top ou flop pour toi? Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est top. Top, toi, tu te les achèterais si t'auras de l'argent? Non. Ok. Quand t'as un top ou flop? Top. Ok, Ben. Top. Bah, voilà. Top, top, top, hein. Top, top, okay, top, top, méga top. Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, ah oui, Zuckerberg, créateur de Facebook, promet 3 milliards de dollars pour guérir toutes les maladies top. Au monde. Top ou flop? Top, hein. Top, c'était annoncé sur Facebook tout à l'heure. Non, mais attends, c'est une promesse quoi. Je peux promettre aussi plein de trucs. Ouais, mais hein. Il a annoncé quand même publiquement. Ah ouais, bah publiquement, ah ouais, bah, si publiquement top, je peux. Non, alors moi, promettre... là, je vais pas être d'accord avec toi. Là, j'ai poussé mon coup de gueule parce que je rappelle quand même qu'il y a une fille qui est handicapée. Ouais. Et que bah lui, il a une fille handicapée. Il a une fille handicapée et que justement il veut faire évoluer la recherche. Donc c'est pour ça qu'il fait ce don. Et c'est un don à une association. Je crois que c'est aussi par rapport à sa fille. Ouais. Non, mais c'est par rapport aux impôts aussi. Parce que j'ai t'as, les l'association, les impôts qui vont se prendre avec le chèque là, parce que putain. Ouais, voilà. Ouais. Putain, ouais. 3 milliards de dollars. Et moi je trouve que c'est très très bien. Non, c'est une bonne chose. Parce top. Que c'est toute la pub pour toi. Top. Top, à votre avis, c'est pas un coup marketing tout ça? C'est marketing à mort. Donc ce top ou flop? Flop. Ouais. Moi je dirais top. C'est, top. C'est un beau geste, top. Mais c'est flop quand même. Ok, Ben. Top. Ok, Quentin. Je suis du même avis que Joe. Ok, t'as un coup de marketing, tu crois? Ouais. Ok. Ouais. La rue des Allocs sur M6. La série. Alors ça, c'est émission, passé il y a un mois, ça. Ouais, bah, j'ai envie d'en parler maintenant, tu me casses les couilles. Top. C'est un gros. C'est pas... Moi, je suis tombé dessus sur les audiences cet après-midi. J'ai vu l'émission. Top ou flop? Ça va faire un flop encore parce que c'est. C'est quoi le concept cliché, en fait? C'est cliché. C'est bah, cliché. C'est le côté. Comme par hasard, le premier épisode, c'était pas dans le Nord, non? Ouais. C'était le côté d'Amiens, c'est pas ça? Ouais. C'est toujours dans le Nord. Alors, on fait voir les gars qui n'ont pas de boulot, qui touchent le RSA, qui picolent, etc. Ça aurait été etc. plus crédible à Calais, je pense. Bah, et carrément. Il n'y a pas que. De toute façon, pendant deux minutes, ça. Moi, j'ai cru qu'on était à Calais. Hein. Ah, lui, il casse ses couilles. Ah, lui, il va se prendre un téléphone dans la tête. Et là, vous avez reconnu pas Ben, animateur radio, qui dit bonjour, ma Minute Gaming. Là, vous avez reconnu Ben en mode cassos. Bah, lui, il va se prendre une patate dans sa gueule, il va à terre. Le coup de gueule de Ben. Là, vous avez reconnu Ben en mode vénère. C'est comme dans le quartier. Ouais, viens, t'es en ta gueule, là, enculé. Là. Ah, c'était Ben dans toute sa splendeur. Voilà. Ah, il défend sa ville. Bah. Bon, voilà. Non, mais ils auraient pu faire une émission en montrant quand même des personnes qui ont le RSA et qui essayent vraiment de voilà, s'en sortir. Voilà, de s'en sortir, quoi. Qui subissent y pas. Il n'y a pas que des mecs qui boivent. Y a pas que des, y a, on a vu que des mecs ou des nanas qui galèrent. à boire, etc. Non, il n'y a pas que ça. J'ai eu l'impression qu'ils sont allés chercher les clichés. C'est une caricature. Voilà. C'est parce qu'il Le gros cliché. C'est ce que, c'est ce que les gens attendent. Mais c'est ce que les gens ils veulent. Les gens veulent ça pour se rassurer. Mais tu sais que les mecs là, qu'ils ont chiqué pour faire toutes les séquences et compagnie, ils ont tourné ça à la fin du mois, ils n'avaient pas de sous. C'est l'émission qui ont payé les boissons, etc. Ils se sont fait sponsoriser. Ouais, quoi. Vous auriez un sponsor, quoi. Cronenbourg. Vive la bière. Alison, top ou flop? Moi, j'irai flop. Flop, t'aimes pas le concept? Non, ouais, puis c'est trop cliché, donc non, flop. Ok, Jo. Flop, hein. Flop. Et puis, je vois pas l'intérêt des émissions pareilles, quoi. Ouais, c'est vraiment de... Ouais, c'est vraiment se renseigner un petit peu sur les gens, c'est un peu de... Non, mais de la télé poubelle, on en a déjà assez comme ça, quoi, donc... ouais, regarde Love Story. Bah, Love Story, Confession Intime, Pascal le Grand Frère, tous ces trucs-là... Ouais, alors oui, Pascal le Grand Frère aussi, t'as vu, maintenant, il aide les couples. Oui, j'ai vu ça. Alors, j'ai vu ça. Là, attention. Moi, ce que j'aime bien, je regardais hier, quand je suis rentré à la radio, c'est, comment ça s'appelle, le cuisinier, là. C'est pas mal ça, j'ai regardé hier soir quand je suis rentré à la radio là. Ouais, quand je mets en cuisine. Hein? C'est un trou de cul. Non, j'aime bien, c'est pas mal. C'est encore un qui a monté, qui a gagné ses étoiles. Il a plus envie de branler derrière rien dans sa cuisine. Et tiens, je vais passer à la télé. Il a énervé le jour, je sais pas ce qu'il a là. Ben, toi, t'as bouffé pour regarder les allocs ou pas? Flop. Quentin? Flop aussi, ouais, c'est trop de dénigrement. Ah, oh, pardon, c'est ça, les mots qu'on c'est vrai. Télépoubelle, trop dénigrant. Ah, apparemment. Excuse-nous de relever le niveau. Voilà, bon, on en direct évidemment jusqu'à 23h. On est là, on bouge. Oh, quelque. C'est le ralenti là. On est là ensemble évidemment. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On bouge pas. Maître Games pour la suite avec Boucan. Et bah, justement, il y en a du Boucan jusqu'à 23h. On est là, Alex, libre antenne, avec toute l'équipe. Bonne soirée en tout cas et merci d'être avec nous. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Pousse-toi de la lance, passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Toi et moi on n'a rien à voir. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, mais ça va de soi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du doudou, il est chaud. Tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. J'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit, j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a cœur démoli. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris. Avec Fédic, Dadju et Darcy. Hey! We'll be right back. en direct évidemment jusqu'à 23h. Bonne soirée tout le monde. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Libre Antenne sur Radio Mixlore. On est là ensemble évidemment. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On sera évidemment dans quelques instants. On sera. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, bah, il y a Jojo qui est toujours avec nous en direct. Il y a, il y a Ben qui est toujours avec nous. Il y a Jo. Il y a Alison. Tiens, vous allez faire vite fait là avant la pub. Vous allez faire quoi de beau de votre week-end? Bien Quentin évidemment avec nous parce que Quentin est à l'arrière avec moi, c'est pour ça. Vous allez faire quoi de beau de votre week-end? Alors samedi nous on va à un concert organisé par une amie à nous. Excuse-moi je te coupe mais Alison ne sera pas là la semaine prochaine, c'est ça? Oui voilà, je suis à Nice. En vacances. On t'appellera peut-être au standard. Il y a pas de soucis. On t'appellera même. Tu feras un défi à distance jeudi. À Nice. Ou je ferai un direct et... Bah vaut mieux pas faire tout ça à promenade encore se faire embarquer par les... C'est clair. Tu pourras aller mettre des fleurs. J'entends pas, pas. Tu pourras aller mettre des fleurs. Des fleurs. Sur la promenade des Anglais. Ah, mais là, tu sais plomber. C'est plombé d'ambiance. Ok, merci toi. Bah, et alors Ah, vous allez faire Cold Bobo, vous allez voir un concert de qui? Un concert du, d'une amie à nous. De sosie de Johnny Day. Non, c'est un membre de ma famille en fait. Voilà. on sait que tu t'en fous. Elle s'appelle Audrey. Voilà. Ah oui, c'est pas toi, c'est pas ce que t'as partagé sur Facebook. Voilà. Bah, figure-toi que tu es mauvaise langue parce que j'ai écouté une très belle voix. Je pense peut-être l'inviter, pourquoi pas chez nous ici. Écoute. Alors, justement, on allait te demander. Oh, on allait justement te le demander. Bah, je suis là, je suis tout oui. Donc elle fait voix acoustique. Voilà, tout à fait, avec de nombreuses voix et franchement, elle chante super bien. Elle a un répertoire français-anglais, elle chante très très bien. Donc si vous voulez l'écouter, allez sur sa page, c'est Audrey Caron Acoustique. Ça coûte 30 euros la pub. Donc merci pour elle. Voilà. Bon voilà, bah partage-le parce qu'on l'a pas. Alpha, ouais, partager. N'hésitez pas à rajouter sur Facebook. Ouais, Alpha concert, c'est ça? Voilà, à Carrefour à Longness. Non, c'est pas Longness, c'est Saint-Martin-aux-Lacs. Ouais, Saint-Martin, c'est pareil. Bon, bah, c'est le même. À côté du rayon poissonnerie. C'est près de Saint-Omer. Juste sur la 6e étage. C'est pour les 10 ans de Carrefour donc. Ah voilà. C'est les 10 ans de Carrefour de Longness. Ah, 10 ans de Carrefour Longness, j'allais dire 10 ans du groupe Carrefour. C'est vieux Carrefour, ça au moins 50, 60 ans maintenant. Ben. Soirée. Ah, tu veux sortir? Comme d'hab. Il va faire soirée poker avec Anto. Depuis je croyais que tu allais me dire soirée Pokémon. Depuis que Ben est à la radio, t'inquiète pas, il y a du monde qui suit. Hein. Il est là, toi Jojo. Moi, spectacle et. J'ai envie de chanter. Et branlette. Branlette. Tout le week-end, tu fais le spectacle? Oui. Et tout le week-end, tu fais la branlette? Non. Quentin? Moi, je vais bosser. Ah, il va bosser tout le week-end. Tu vas bosser en quoi? Non, dis-le pas. Dis pas le bon radio. Pas, tu as bossé à Radio Mixlore, c'est bien. Très bonne radio. Merci. Bon, reste avec nous. En tout cas, on est là ensemble jusqu'à 23h. Tiens, j'aimerais bien faire. Il nous reste un peu de temps ou quoi? Ouais, bon, on va se faire quand même le jeu des 5 mots avec Alison dans quelques instants. Ah, elle voulait pas, mais t'inquiète pas. Geoffrey me dit, t'as oublié le jeu des 5 mots? J'ai dit, oui, t'inquiète, mais t'inquiète. Je savais qu'il nous reste un petit peu de temps et je sais que les hôtels y répondent encore à ce temps-là. Bon, on va se faire le jeu des 5 mots avec Alison dans quelques instants. Reste avec nous en tout cas en direct évidemment jusqu'à 23h. On sera DJ Snake et Justin Bieber. Let me love you dans moins de 3 minutes. A tout de suite. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h, gratuit avant 1h. Parking sécurisé, c'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mixplore. Vous avez toujours été pressé? Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste? C'est bon, merci, je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous... Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau, respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Oh. allez, bonne soirée. Le son de DJ Snake à l'instant et Justin Bieber. Bienvenue tout le monde, on est là jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, Alex Librantaine sur Radio Mixplore. Merci de passer la soirée avec nous, en tout cas on est là ensemble, on bouge pas, on est toujours en direct évidemment, 22h54 avant de passer le week-end dès demain soir et puis normalement on reviendra dès lundi avec une grosse émission dès lundi, alors le retour des pervers, le retour du avec vous Chantal, on aura tout qui sera là dès lundi, en tout cas restez avec nous. On va se faire tout de suite le jeu des 5 mots, bah oui pour Alison parce que Alison ce soir va faire le jeu des 5 mots, elle l'a jamais fait. C'est le baptême d'Alison. Puis vu qu'elle s'en va la semaine prochaine, elle sera pas avec nous, et ben c'est l'occasion de le faire évidemment. Ah ouais, l'Islande sera pas sur FIFA 17. Islande, vous savez, ceux qui ont ils sont pris de branler par la France, mais qu'ils ont quand même été loin dans l'euro là. Ouais. Ils seront pas dans FIFA 17, faute d'accord financier. Non, mais c'est vrai, c'est dégueulasse. Bah, ouais, c'est dégueulasse. Petit pays là, ils demandaient rien, ils voulaient dans FIFA 17. Ils ont été loin en Coupe du Monde et tout, en euro. Qu'est-ce que ça leur coûte? Parce qu'en fait, FIFA demande du pognon dans les pays pour, en fait, pour avoir des jeux vidéo, truc de ouf. Tout de suite, le jeu des 5 mots, on va faire un petit tour de table, on va commencer tiens, par Quentin. Pas compliqué. Quentin hein. Donamo. Non, bah on va gêner. Quentin Donamo. Divers. Divers. C'est ce que j'ai vu sur mon téléphone. Alors. Divers. Les premiers mots, divers. Okay. Moi, j'ai envie de dire bambou. Bambou. D'accord. On va dire gros bambou. Divers bambou. Ben. Gorille. Gorille. Ah, gars, Nicolas Contin. Le quatrième, s'il vous plaît. Toi, tu vas pas bosser le soir ici, toi. Ah. Le quatrième. J'attends le quatrième. Beat. Ah, le quatrième. Non, le quatrième, Joey va le donner. T'as dit quoi? T'as dit beat, toi? Ouais. Non, pas beat. Monsieur beat. Bah, pénis. Ah, pénis. Oh, bah ouais, mais toi, t'es con. Coucouille. Tricoté. Coucouille. Ok. Coucouille. Coucouille. Tricoté. Coucouille et tricoté. Coucouille. Et tricoté. Et tricoté. Alors, nous avons divers bambou, coucouille et tricoté et gorille. Bah voilà, tout est dit. Le but, évidemment, c'est de faire une réserve en telle et de caler ses 5 mois. Ok, on y va? C'est parti. On appelle à Brive-la-Gaillarde. Et c'est où? À Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. C'est pas compliqué. Ça va répondre à ce temps-là. Je sais pas qui va répondre à Brive-la-Gaillarde, bordel. Ouais. On va rappeler un autre parce que voilà, on a jamais fini avec le Brive-la-Gaillarde. Là. On rappelle un autre. Ils sont tous couchés dans les hôtels. Hein. Ou alors t'as les services de nuit. Musique techno. Hôtel Le Quercy, bonjour et bienvenue. Nous allons vous répondre. La musique techno. Bon. Quoi, les Hôtel Le Quercy, Caroline, bonsoir. Oui, bonsoir, ici Madame Coucouille à l'appareil. Je me permets de vous appeler. Excusez-moi, j'ai un petit tic. Je voudrais réserver une chambre à l'hôtel pour ce week-end. Excusez-moi, madame, j'ai un petit tic. Pour deux nuits, s'il vous plaît. Oui, pour quand, madame? Pour samedi et dimanche. Pardon, excusez-moi. Pour samedi et dimanche, pour combien de personnes, madame? Pour deux personnes, s'il vous plaît. Car je sais pas si vous acceptez les animaux. Si, sans problème. Vous acceptez... Alors, donc pour deux personnes, on aura une chambre standard à 79 euros ou une supérieure à 89. Oh là, luxe, j'ai besoin de la place. Pardon, excusez-moi. Très bien. Alors, à quel nom, madame, s'il vous plaît? Au nom de madame Coucouille, s'il vous plaît. Pardon. J'ai pas bien compris. Vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît? Coucouille, alors c'est C. O U C O U I 2 L E. Oui, votre prénom, s'il vous plaît. Bernard. B E N N A R D, s'il vous plaît. Bernard. Oui, s'il vous plaît. Pardon. J'ai essayé de me contrôler, mais excusez-moi. C'est votre prénom. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous demander un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, 06. Oui. 72. Oui. 36. 64. Et 59. Très bien. Alors, j'aurais besoin d'une carte bancaire, s'il vous plaît. Alors, je regarde justement. Attendez, je regarde dans mon petit sac à main. Parce que ma carte est bien rangée. Hein. Vous m'entendez? Je ne trouve pas ma carte bancaire. Est-ce que ça serait possible de vous envoyer par email? Envoyer par email quoi? La carte bancaire? Oui, par exemple aussi, ou un email de confirmation si ça ne vous dérange pas. Oui. Vous avez de quoi noter? Mais c'est vous qui devez m'envoyer le numéro de carte, donc c'est moi qui vais vous donner notre adresse mail. Ah, ok, pas de souci, pas de souci. C'est bon? Oui, tout à fait. Alors, contact. Ça s'écrit normalement contact. Hein. C'est ça. Contact. Oui. Contact. Oui. At. Oui. Hôtel du Quercy, tout attaché. Hôtel du Quercy. Pardon. Oui. .com. .com. Oui, d'accord, c'est noté. Contact hôtel du quartier.com. Parfait, bon, eh bien j'attends votre confirmation alors. D'accord. Par contre, j'avais encore des questions à vous poser. Donc vous acceptez les animaux. Donc j'ai pris la grande chambre supérieure, donc ça c'est bon. Est-ce que vous acceptez les gorilles? Bien sûr. C'est vrai, c'est un petit gorille, excusez-moi, j'aime bien les animaux, madame. Oui, bien sûr. Non, c'est pas un zoo, hein. Donc non, les animaux domestiques uniquement. D'accord, donc les chiens, les chats, c'est ça? Ou les petits chiens peut-être, je sais pas. Oui. D'accord, donc c'est de divers animaux, hein. On est bien d'accord. Voilà, donc ça c'est bon, d'accord. Ensuite, est-ce que vous avez du fil? Parce que j'ai déchiré ma veste. Vous voyez mon petit gris, il a déchiré ma veste. Et j'aimerais bien le tricoter, si vous avez du fil et une aiguille, parce que je suis en déplacement. Oui, bien sûr. Ah bah ça c'est impeccable. Par contre, une dernière question, parce que je suis très très allergique à certaines plantes. Vous voyez, comme j'ai des petits tics, j'essaye de bien me contrôler. Hein. Excusez-moi madame. Est-ce que vous n'avez pas de bambou dans les chambres, hein, parce que ça me donne des boutons à mon derrière. Non, on les a qu'en photo dans les chambres, ça ira? Comment? Non, on a juste des posters avec des bambous, effectivement. Ah, c'est tout. C'est bon, écoutez, madame, je vous remercie de votre patience. Et je vous souhaite une très très très bonne soirée. Merci, madame. Merci. Au revoir. Vraiment. J'ai tout gâché, maintenant c'est fait. La meuf comment la grille du début que c'était une connerie en fait. C'est vrai, j'étais d'un fond dans mon truc donc. Ah ouais, non mais là t'étais un peu trop à fond. T'es grillé. Elle faisait le bruit d'une voiture. Elle rigolait des fois. Ouais. Hein? Elle rigolait des peut-être fois. Ouais. La meuf, elle a capté en même temps, t'arrives pas qu'un gorille. Puis en même temps, là, elle se présente Bernard quoi. Non mais. Ouais, y a vraiment des prénoms, des noms vraiment trop bizarres donc. Non mais ça m'a impressionné, c'est le fait que tu fais. C'était pas sexy du tout. C'est vrai que pour le coup c'était pas sexy. Attends, j'ai envie de tenter un truc, j'ai envie quand même de d'affiler le jeu 5 mois. Est-ce que tu peux filer juste les 5 mois Jojo? J'ai envie quand même que Jojo appelle. Non. Si. C'est... Allez, vite fait là, un petit vite fait là. Allez, on appelle vite fait un petit hôtel, j'ai envie que Jojo tente un peu le coup ce soir. Allez, on tente. Je vais vite hein. Allô. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, ce serait pour une réservation s'il vous plaît pour ce week-end. Ah, là, faut retéléphoner demain matin. C'est pas moi qui prends les. J'ai pas de pour voir les disponibilités, c'est ma collègue qui sera là demain matin qui fout. Ah, d'accord, vous pouvez rien faire ce soir. Non, c'est demain matin, elle sera là et vous dira les disponibilités. Voilà. D'accord, ok. Bah, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Coucouille. Ouais. J'ai tout gâché. Attends, on va rappeler un autre. Hein. Bon, plein d'autres. Bordel. Bonjour et bienvenue à l'hôtel Le Collonge. Nous allons vous répondre dans quelques instants. Ouais, ça donne envie. à Collonges, on s'allonge. T'allonges quoi? Quand tu fais un dessin. Hôtel Le Collonges, Anaïs, bonsoir. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, ce serait pour faire une réservation s'il vous plaît. Oui, pour quelle date? Alors à partir de ce week-end si c'est possible. Alors déplacement. Attendez, je vais voir un instant s'il vous plaît. Ça serait pour quel jour exactement? Si c'est possible d'arriver vendredi ou sinon samedi. Vendredi, je suis désolée, on va être complet. D'accord. Samedi aussi. Alors, parce que là, je suis en déplacement dans votre secteur. Et à partir de dimanche? Dimanche, oui, on a de la place. Dimanche, vous avez de la place jusqu'au moins lundi? Oui. D'accord, ok. Donc, je vais faire cette réservation-là. Alors, je vais vous donner mon... Non, c'est Monsieur Gorille. Alors, attendez un instant. Quel type de chambre vous souhaitez? On va avoir des chambres standards à 69 € ou des chambres supérieures à 79 €? 69 €. D'accord. Alors, vous pouvez m'appeler votre nom, s'il vous plaît? G-O-R-I-2-L-E. Monsieur Gorille. Un prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre comme Jean-Pierre. Jean-Pierre, ok. Je vais vous demander un numéro de téléphone. 06. Oui. 17. Oui. 24. Oui. 69. Oui. 71. Est-ce que vous voulez que je vous envoie un mail de confirmation? Oui, s'il vous plaît. Je vous écoute. Alors, c'est Gorille. Ah, c'est le même, hein, c'est nom et prénom. Oui. Donc, Gorille Jean-Pierre. Tout attaché? Oui, tout attaché. D'accord. 17. @gmail.com. Parce qu'on d'accord, est au, donc. On est sur un festival, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, le salon du tricot, par chez vous. Ah non, du vous tout. Vous n'avez pas du tout entendu parler? Non. J'anime là-bas. Pour une personne? Deux personnes. Deux personnes, d'accord. Est-ce que je peux avoir un numéro de carte bancaire? C'est pour la garantie alors, de la chambre, s'il vous plaît. Alors là, actuellement, je ne l'ai pas sur moi. Est-ce qu'on peut vous l'envoyer par mail? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez me donner... Vous allez m'envoyer un mail, vous, là, actuellement? Oui, là, je vais vous envoyer un mail de confirmation, donc d'accord. Vous nous renvoyez en retour. Je vous l'envoie en retour, d'accord. Voilà. Donc, c'est bien réservé pour la nuit du dimanche et lundi, oui. Donc départ le 27. Oui, c'est ça. Petite question. Au nom de Monsieur Gorille. Oui, oui, dites-moi. Vous fournissez le petit déjeuner? Oui, alors c'est 9 € par personne. Et il y a diverses choses dedans, il y a quoi? Alors c'est un petit déjeuner buffet, vous avez des fruits secs, jus de fruits, boissons chaudes, après charcuterie, fromage, viennoiserie, pancakes, crêpes. Ah, mais il y a quand même pas mal de choses. Hein. Céréales, des œufs, oui, oui. Du bacon? Non, on n'a pas de chaud par contre. Ah, vous n'avez pas de chaud, c'est que du froid? Oui. Du café, vous avez? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, café chaud, j'espère. Hein. Pas café oui, froid. Oui, tout à fait. Tout café froid au matin, c'est pas bon. On pousse pas le vice trop loin. C'est pas bon, café froid au matin. Alors, non. Je voulais vous demander aussi, on doit faire une livraison. Donc, dans votre mail, si vous pouvez en même temps bien mettre l'adresse, on doit faire une livraison de bambou. Oui. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. On a juste 150, mais ça sera à mon nom. Mais c'est, je vous remettrai, hein, comme quoi, qu'il y a une livraison de bambou. Je vous en offrirai si vous voulez des bambous. Avec plaisir. Hein, vous êtes très charmante. Alors, livraison de... De bambous. Il faut 1m50 à peu près. Ah, quand même. Ah ouais, c'est des grands bambous. C'est pour une déco, en fait. Bon, ben parfait. Voilà. C'est noté. Sinon, ben, j'avais rien d'autre à vous demander. Il fait beau par chez vous? Là, en ce moment, oui. Oui. Il fait frais le matin, mais sinon, il fait beau. Ouais. C'est pour savoir, si on doit prévoir une petite laine, tout ça. Sinon, je dois... Vous voyez quand même, on ne sait jamais. Sinon, je dois retricoter encore. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, madame. Je vous voilà, envoie je vous envoie le mail de confirmation. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, bonne soirée. Hein. Avec plaisir, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Ouais, pas mal! Oh, bravo! Pas mal, pas mal ce jeu des 5 mots finalement. Il a réussi à caler les 5 mots dans l'hôtel. Et ouais. voilà, il est pas mal. Je suis en feu. J'aime bien le monsieur Gorille, moi j'aime bien, c'est pas mal. Monsieur Gorille, j'en prie. Ah, monsieur Gorille est pas mal. Voilà, en tout cas, c'est sur ces quelques mots, ces quelques rires qu'on se quitte ce soir, évidemment. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Ce soir, on s'en joint dès lundi, 21h-23h, avec l'équipe de la Libre Antenne. Dès lundi, le retour des pervers également. Passez un très très bon week-end, les amis. Profitez bien. Ouais. Et puis, bah, évidemment, dès lundi, on souhaite de bonnes vacances à notre Alison National qui s'en va en vacances à Nice. Tu pars quand? Je pars lundi matin. Lundi matin. Et tu rentres quand? Bah, samedi soir. Samedi soir, ok, d'accord. Bah, écoute, en espérant que tu profites bien, tu nous envoies une carte postale au moins. Tout à fait. Et puis, je vous écouterai également. Ouais, bah, on espère bien. À l'apéro, au chaud. Et puis nous on sera là dans en maillot de bain. Ah, bon, bah, c'est plus trop la saison. C'est là qu'il voilà, va dracher Alice. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà le pervers. Voilà, j'ai bandé. Ah, il va bander Ben. Il va bander Ben. Bon, très bon week-end tout le monde. Bon et week-end. Pour ma part, on se rejoint dès demain pour le Paint Mix, évidemment, à partir de 20h. Et dès lundi pour la Libre Antenne, 21h-23h. N'oublie pas le Before Dance Floor avec Kev. Ah ouais, l'autre qui veut faire sa pub, viens deux secondes, viens là. Teddy, il fait chier là. Oh là là là là. Teddy, il arrive maintenant lui. Allez, allez, dépêche, qu'est-ce que tu veux faire une pub par un événement, c'est ça? Bah, prends le micro, Jojo. Là. Oh merde, hein. Merci, Jojo. Tu veux que je prenne ton micro? Ouais, on s'en branle, allez, fais ton pub. On a dit le micro, hein. Allez, fais ta pub, allez. Ouais, non, c'est juste pour dire que le 1er octobre à la merci, Cité. Merci, c'était l'événement, allez, pour ça, arrête. 1er octobre à la Cité. Oh, l'eau, il t'a lumière, il t'a la lumière. Allez, vas-y. Le 1er octobre à la Cité de l'Europe, de 14h à 18h, il y aura des chanteurs, des chanteuses. Ouais, bon, on s'en fout, il y a le salon des jeux vidéo. Ah, le salon des jeux vidéo, il est aussi ouvert le 2, donc. Ouais, voilà. Ah, mais faut voilà. Pas de la pub, on est partenaire de cet événement. N'hésitez pas à venir. Ben voilà, c'est toute la journée. Merci en tout cas, Teddy. Avec sa veste militaire, il va baiser derrière les dunes maintenant. Allez, allez, passe un très bon week-end. Très joli, gros cochon. Bon week-end, surtout si vous sortez ce soir, ce week-end, évidemment. Sortez évidemment couvert. N'oubliez pas la bulle d'alcool et d'enjeux pas son temps à consommer avec modération. Je l'ai jamais vu. Tu vas nous la faire à chaque fois. Salut tout le monde, tiens, bon week-end. Salut. Six.